Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, édition de novembre 2024. Avant de commencer l'émission à proprement parler, je fais des petits rappels auxquels vous êtes habitués. Donc, je rappelle que nous sommes présents sur Gab, ainsi que sur Odyssée, à l'adresse Oremus officielle, et aussi sur Telegram, toujours à l'adresse Oremus officielle. Et petit changement, on va aussi propulser les vidéos sur BitChute. Je vais commencer la présentation des membres. Je commence par Belloc. Bonjour Belloc, comment ça va ? Ah, ça va très bien, Bobby. Salut à toi. Loué nous soit notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous les camarades, nos chers auditeurs. Écoute, je pense qu'aujourd'hui, on va parler entre autres camp de travail. Donc, moi, ça me plaît bien. Donc, que l'esprit de tonton plane sur nous. Rex, bonjour. Comment ça va ? Bonjour, Ave Bobby, Ave à tous. Et puis, écoutez, je sens qu'on va bien s'amuser et qu'on va pouvoir envoyer du lourd comme à notre habitude. Une mission qui commence fort, puisque j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un nouveau chroniqueur. Bonjour Ludwig. Ludwig, première question, est-ce que tu es juif ? Et aussi, deuxième question, comment ça va ? Vous êtes juif ? Salut Bobby, salut à tous. J'espère que non. Normalement, aux dernières nouvelles, je ne pense pas. Mais sinon ça va très bien. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à participer à l'émission, que je suis depuis plusieurs mois déjà. Bonsoir à tous nos auditeurs, que Dieu soit avec vous, et le Führer aussi au passage, Gott mit uns. Très bien, je préfère poser la question, hein, donc voilà, je ne suis pas juif. C'est bon, c'est une sorte d'entretien d'embauche. Tout à fait réussi, c'est un critère extrêmement important pour nous. Excusez-moi d'intervenir, je crois qu'il faut que les choses soient claires parce que vous avez un langage un peu codé. Monsieur Stoleru, vous êtes juif ou non ? Ah, c'est pas une nationalité, enfin, sauf... Je pense que monsieur Le Pen faisait peut-être allusion à la possibilité que vous ayez une double nationalité israélienne et française. Oui, c'était la question que je lui posais, mais parce qu'on m'a dit ça, mais je ne sais rien. Moi, je ne crois pas ce qu'on me dit systématiquement. Donc, écoutez, nous sommes entre Goy de droite, d'ultra giga extrême droite, donc je pense qu'on peut commencer. Bon, je vais changer d'atmosphère tout de suite parce qu'en fait, on va parler d'un sujet très grave, qui est même très très grave, la disparition de Monseigneur Tissier de Malraye. Je pense que tout le monde a suivi cette information qui a eu lieu très récemment, il y a à peu près quelques jours, au moment où on a commencé l'enregistrement de cette émission. On va dire une surprise quand même parce que bon, il était plus très jeune, mais on ne le sentait pas en mauvaise santé. D'après les informations qui nous ont été parvenues, il aurait fait une chute dans des escaliers à Icône. Bonne chute, il aurait perdu connaissance et on aurait appris son décès dans les heures qui ont suivi. Une triste nouvelle, et une nouvelle qui est donc pas juste... c'est pas juste de l'émotion, même si bien sûr ça nous pèse, on aurait aimé que ça se passe autrement. C'est aussi une très très lourde conséquence. Au point de vue pratique, on va dire pour la fraternité Saint-Pédis, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'évêques, ils viennent d'en perdre un, et des évêques qui ne sont pas toujours très jeunes. Bon, ça fait quand même depuis très très très longtemps que les fidèles, en tout cas, réclamaient de nouveaux évêques. Et là, avec le décès de Monseigneur Tissier de Malraye, on a envie de se dire, bon, ça va être une raison de plus qui va peut-être les inciter à prendre en compte cette demande, et on a l'impression que pas trop, hein, c'est moi qu'on puisse dire. Bobby a souligné un petit peu le point qui fait mal, donc Monseigneur, ça part un peu d'une chute, donc c'est un peu tout bête, mais il avait 76 ans, ça n'est pas si âgé que ça. Et en effet, maintenant, la Fraternité Saint-Pédis, il n'y a plus que deux évêques actifs, ou sinon 1,5, puisqu'en réalité, Monseigneur même des Galaretta à peu près du même âge et il aurait des soucis de santé à ce niveau. C'est-à-dire qu'il ne resterait que Mgr Fellé. Or, c'est quand même une énorme structure à l'international. Il faut honorer des confirmants dans tous les pays du monde, etc. Donc, on va dire que ce n'est pas très tenable. Quand on compare au milieu williamsonien, donc la résistance lefévriste, ou chez les sédacantistes, c'est l'armée mexicaine. Je ne dis pas qu'il y a plus d'évêques que d'abbés, c'est faux tout de même, mais en proportion, ils sont beaucoup plus nombreux. Et donc, à l'international, bon, chacun a un petit peu le pays qu'il gère, une ville ou des choses comme ça. Il y a des déplacements, toujours, ça c'est sûr. Mais là, on se doute que c'est très compliqué, notamment pour garder son autonomie, parce que les ralliés, purs ralliés, n'ont aucun évêque à eux, puisqu'ils font appel à l'épiscope Vatican II, machin. Donc, sans évêque, il n'y a aucune autonomie, en fait, pour une quelconque structure traditionnaliste de ce nom. Donc ça pose cette lourde question au-delà donc, de la personne de Mgr Tissier de Malric. Mais est-ce qu'il y a d'autres évêques en dehors de la Fraternité Saint-Pélis qui sont plutôt traditionnalistes aussi, et même voire sédévacantistes ou pas du tout? Bah si, c'est ce que je disais, il y en a beaucoup plus en fait dans les structures traditionnalistes sédévacantistes ou pas. Donc Mgr Williamson notamment, je crois que ça s'appelle l'Union sacerdotale Marcel Lefebvre, à moins qu'il ait un petit peu muté ou renommé depuis. Donc oui, il y a tout un panorama, mais voilà, la Fraternité Saint-Pédis est forte de 700 prêtres environ dans le monde, là où la structure sédévacantiste principale dans le monde, la CMRI, ça veut dire Congrégation Marie-Reine Immaculée, en a une quasi-centaine, presque une centaine, donc ce qui n'est pas trop mal. Et ça part plutôt des Amériques. Il y a deux abbés français qui y sont rattachés, je crois que c'est Marchisé et l'abbé Thomas Le Gall, à cette structure. Donc si, il y en a d'autres qui existent maintenant. Aucune autre n'a autant d'écoles, c'est-à-dire que si la Fraternité Saint-Pédis venait à ne plus avoir d'évêques, à se rallier, etc., je pense que ça causerait un séisme dans tout le monde traditionnaliste au sens large, et même les sédévacantistes seraient un peu perdants, dans le sens où comme il n'y a pas beaucoup d'écoles et moins d'organisation de leur côté, c'est plus doctrinal souvent, eh bien leurs enfants, une partie de leurs enfants sont dans ces écoles-là. Donc ils ne pourront plus trop les placer s'ils viennent à apprendre qu'il y a des affaires, un petit peu comme on a parlé à Oremus ces mois derniers, Mgr Hunder, un moderniste a pris sa retraite à la fraternité... Retraite, ouais, c'est un bon jeu de mots. Ah, c'est pas mal. À la fraternité... lapsus révélateur. Ah, lapsus révélateur, hein, bon, hein. Il a pris sa retraite voilà, à la fraternité Saint-Pédis et sans se faire réordonner, puisque même quelqu'un comme Mgr Tissier de Malric qui jouit... à juste titre d'une réputation un peu de lefévriste traditionnel. Il a écrit un ouvrage d'éloge de Mgr Lefebvre à cet égard. Entre les années 80-90 et 20-30 ans après, lui-même, son discours a un petit peu changé, puisqu'il rejette les rites modernistes de Paul VI, et puis finalement, il commence à dire « bon, vaut mieux pas y aller, mais c'est plutôt valide, etc. » Donc on ne sait plus trop lequel croire à quelques décennies d'écart, si vous voulez. À cet effet, voilà, bon, il n'est pas nécessaire de réordonner un tel ou un tel, ce que faisait, a toujours fait donc, systématiquement Mgr Lefebvre et les milieux sédévacantistes. Donc ça, c'est un autre problème de cette petite mollesse, hein. Même quand il y a eu cette hémorragie de la Fraternité Saint-Pédis, il est normal que Mgr Tissier de Malray défende la structure, mais du coup, il s'est comporté un peu rudement par contre vis-à-vis des adeptes de Mgr Williamson, par exemple. Il condamnait fermement ces choses-là, bon, de même qu'il ne fallait pas se rallier pour autant. Mais là, voilà, à l'heure actuelle, il reste surtout Mgr Fellé, qui est tout de même qui est un organisateur, hein, ça, il sait diriger. Bon, maintenant, il n'en est plus à la tête, et il y a un peu un homologue similaire, bien qu'il soit abbé, avec l'abbé Pagliarani à sa tête. Mais ça fait un évêque seulement, un et demi, comme je disais, et encore celui qui reste et qui est plus en forme et un peu plus jeune, et le plus ralliementiste de la liste, ce qui est tout de même, je pense qu'on voilà, est dans une situation d'urgence qui est fort inquiétante, les fidèles sont un peu trop amorphes, donc on se... À part un peu de dynamisme qu'il y a pu avoir chez l'abbé Giorna, que je salue, dans le district de France. Juste avant de le quitter, il balance un séisme, il dit « Opération survie de la tradition, on va faire des évêques ». D'ailleurs, est-ce qu'il est toujours au district de France, d'ailleurs je crois que c'était un peu son chant du cygne, hein. Il me semble. Ah oui, c'était ça, ce qu'il m'a dit, hein, oui. Ouais, ouais, juste avant de partir, il balance la bombe et il part. Et l'abbé Pagliarani donc, vient nier un petit peu, vient contrecarrer ce propos. Et alors, il y a des... Je ne veux pas être méchant, mais c'est assez insupportable parce que du coup, il y a des petits publics communiqués, on va dire. Et on le lit comme ça, on s'attend à quelque chose d'un peu intéressant. En fait, c'est juste bisous, bisous, rentrer à la maison et prier. Je veux bien, mais prier, oui. Mais là, il faut aussi agir, en fait. Là. Il y a quand même une certaine urgence à l'international. Bon, bref. Typiquement, le communiqué de la FRAT qui est tombé après le décès de Mgr Tissiel Malret. Donc, il y a quand même une très longue introduction où ça parle, bien sûr, de Mgr qui vient disparaître, ce qui est tout à fait normal. Et puis, bien sûr, ça répond en dernier paragraphe, on va dire, à ce qui voilà, quelles sont les conséquences de ça. Et donc, enfin, c'est lunaire, on mettra peut-être d'ailleurs le lien en description et vous pouvez vous rendre compte. Je parle du communiqué par rapport à son décès, je parle du communiqué par rapport au sermon qu'il y a eu pour ses funérailles. Bien sûr, les gens se posaient des questions, c'est un mal aussi qu'on réponde aussi sur ça. Et ce qui est élu, c'est, bon, on va pas faire grand-chose, il faut prier. Il faut compter sur la providence. Alors, c'est sûrement très bien de prier, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est très bien de compter sur la providence, il n'y a aucun problème. On ne peut pas juste se contenter de ça. Il me semble que c'est une sainte qui avait dit qu'il fallait prier quand les actions ne suffisaient pas et qu'il fallait agir quand la prière ne suffisait pas, ou quelque chose du style. Mais oui, c'est un peu ça, justement. Oui. C'est Sainte Thérèse, oui. De Lisieux, je crois. De Lisieux, oui, exactement, oui. Et je voulais rebondir par rapport au communiqué, c'était au communiqué de la fraternité par rapport au sacre. En fait, bon, finalement, il n'y aura plus de sacre, il faudra prier, etc. Mais finalement, on se rend compte qu'ils n'arrêtent pas de dire « Monseigneur le fait, Monseigneur par-ci, Monseigneur par-là ». Mais finalement, il s'éloigne de son esprit parce que lui, quand il a sacré les cinq évêques, il l'a fait sans mandat apostolique puisqu'il considérait que il n'y avait pas de pape, il n'y avait plus d'autorité. Quoi. C'est ce qui s'était dit d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il ait prononcé comme ça. Je pense qu'il a plutôt mis en avant l'urgence de la situation. Je ne sais pas s'il a formellement dit ce que tu viens de dire là. Non, il ne l'a pas formellement dit, mais si tu veux, c'était ce que je me rectifie également, c'est l'esprit en fait, qui régnait à ce moment-là. En fait. Il y avait une sorte de vide. Il y avait à l'époque Mgr de Castromaillère qui était dans le même esprit. Mais finalement, il a eu le courage de faire ça sans mandat apostolique. Et là, l'abbé Pagliarani ou Menzingen, les hautes autorités de la fraternité, ont dit on ne fait pas ça sans mandat apostolique. Hein, c'est bien ça qu'ils ont dit. Donc, ils sont dans une optique de ralliement. Enfin, peut-être pas effectif. Hein, on sait, de toute façon, depuis une dizaine d'années, c'est avec les indultes sur les mariages, sur les confessions, tout ça. Enfin, de plus en plus, on se rapproche dangereusement en fait, de la secte. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Mgr Lefebvre, on s'éloigne vraiment de son esprit. On est plus dans l'éconisme, en fait, que dans le lefebvrisme. Moi, mon pronostic, c'est très personnel, mais je pense qu'à un moment, ils vont même faire appel, comme ils ont fait avec Mgr Wunder, enfin, Mgr, entre guillemets, pour ceux qui ne croient pas à validité des sacres Paul VI. Stevie. Stevie Wunder. Pardon, excusez-moi pour cette petite blague. Ouais. Oui, voilà, en fait, Mgr Wunder, c'était il a été sacré donc après l'arrivée de Paul VI à Rome. Et donc, en fait, sa venue, finalement, est peut-être un peu, ça prépare un peu psychologiquement l'appel à des évêques conciliaires diocésains. En tout cas, on ne voit pas de volonté chez eux de sacrer de nouvelles personnes. C'est ce qui est le plus inquiétant dans l'histoire. Hein. C'est même que finalement, comme me disait Rex, c'est les écoles, toutes les écoles, toutes les infrastructures de la fraternité, s'il y a vraiment un ralliement plus ou moins effectif, c'est assez dangereux. Je suis tout content, Belloc, que tu rappelles justement l'historique avec Mgr Lefebvre, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que lorsque Mgr Lefebvre était en pourparlers avec Rome, donc à un moment donné, il avait pu rencontrer Jean-Paul II au Vatican, à plusieurs reprises. Bon, après, ils ont arrêté de se parler parce que déjà, Mgr Lefebvre ne pouvait plus s'y rendre. Il était plus. Voilà, porte close, quoi. C'était compliqué. Et donc, à un moment donné, Monseigneur Lefebvre essaie de trouver une solution justement pour sacrer de nouveaux évêques, parce qu'il sentait bien que bah, il prenait de l'âge. Et il avait dit comme ça en l'air, mais parce qu'à Rome, tu trouvais toujours des excuses pour ne pas justement accorder d'autorisation. Et Monseigneur Lefebvre a lancé à Jean-Paul II et à son assistant, mais vous attendez que je meure ou quoi? Et en fait, il a eu comme réponse un silence, et c'est là qu'il a compris. Il avait fait une part de cette anecdote, justement, lors de ses conférences. Il a compris que, ah oui, d'accord, en fait, c'est ça leur plan. Et c'est d'autant plus triste que maintenant, on se retrouve dans une situation que, comme disait Rex, on a un évêque ennemi, ils sont plus très jeunes. Et ouais, bon, bah, c'est Rome qui doit se frotter les mains en ce moment. Hein. Ils ont juste à attendre, et ça va se régler tout seul, cette histoire, finalement, de leur point de vue. Et ça va forcément bien se régler. Dans le cas où, justement, eux, ils restent dans l'inaction, qu'est-ce que nous, on peut faire de notre côté, ou qu'est-ce que voilà, les laïcs simples comme nous peuvent faire améliorer cela, quoi. Bonne question, mais en tant que laïc, on peut faire ce qu'on fait nous, c'est un petit peu informer, faire pression, une saine pression, on ne peut pas faire beaucoup plus, puisque à moins que tu veuilles aller voir Monseigneur Willemsen pour qu'il te fasse évêque, ce qui n'est pas impossible, bon, je plaisante quand même, on va pas beaucoup influencer, quoi. Déjà, seuls les évêques peuvent sacrer, peuvent faire des lignées de prêtres. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est plus... un peu exercer une pression interne par Internet ou en physique. J'aime bien me renseigner, moi. Alors, il s'avère que c'est un prêtre de la Fraternité Saint-Pie X assez bien placé, qui voit les choses plus positivement et qui pense que ça va se faire, qu'ils vont sacrer de nouveaux évêques, même probablement sans mandat romain. En tout cas, l'abbé de Jorna, lui, il osait. Et il y avait eu un petit communiqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en parlait avec Bobby un petit paquet de mois, qui en parlait de ça quand même, de faites attention, voilà, il va y avoir une crise médiatique probablement, on vous invite à la prudence, ne vous inquiétez pas, voilà. Préparer un petit peu le terrain, ce qui était une très bonne chose. On se disait, là, c'est sûr que ça va se faire. Là, on est un peu plus dans le doute. Et alors, si ça ne se fait pas, pour ce qui est de la Fraternité Saint-Pie X, bah, l'enjeu est énorme parce qu'elle va perdre le sacerdoce. Des cédévacantistes, peut-être pas trop hardcore, reconnaissent que la Fraternité Saint-Pie X a le sacerdoce. Pourquoi? Parce que, c'est d'ailleurs la majorité d'entre eux, parce que les rites véritables de l'Église sont effectués et qu'ils sont un peu immuables par rapport aux évolutions de Vatican II. Au nom de conception sans doute fausse de dire « il est pape, mais c'est un mauvais pape qui détruit la foi, mais il est quand même pape, etc. » Mais ça les préserve tout de même de toute modification interne, ce qui est très bon, parce que si le pape Pie XII est le dernier pape, bah, on s'en tient à la loi, la dernière loi en vigueur, en attendant qu'un autre pape puisse condamner des nouveautés ou que sais-je, quoi, ou préciser certaines choses. Donc en l'absence d'autorité vraiment légitime, outre des évêques traditionalistes, les rites sont en eux-mêmes très importants. Donc là, elle perdra carrément le sacerdoce. Les éditions Saint-Rémy, qui ont une revue en la personne de Bruno Saglio, ils mettent à Flavigny, vous avez une entrée de 31 séminaristes à la Fraternité Saint-Pie X en ce moment même. Je ne sais plus si chez eux, je crois que ça doit durer 5 ans, ça dépend un petit peu des séminaires, à quelques années près. Je me demande si certains, ce n'est pas 4 ou 7, par exemple. Je crois que chez Mgr Williamson, c'est 4 ans. Que vont devenir ces séminaristes? Est-ce qu'à l'arrivée, entre-temps, ils vont être ordonnés par un... entre guillemets, Mgr Under Bis, etc. Parce que là aussi, totalement irrespectueuse vis-à-vis de ces hommes qui vont se faire prêtres. Ils pensaient vraiment le devenir, et là, il y a un rite innovateur et douteux qui risque d'être exécuté sur eux. Donc, je veux dire, c'est fort inquiétant. La Fraternité Saint-Pie X aura fait 700 vrais prêtres, avec l'imperfection ou quoi qu'elle peut avoir, peu importe. Il y a 700 vrais prêtres, et là, les prochains ne le seront peut-être plus. Dans un avenir proche encore, peut-être ça va, mais... un peu plus lointain, c'est beaucoup moins sûr. Et comme disait Belloc, bah, ouais, on est fidèle à Mgr Lefebvre, mais en fait, pas vraiment. Quoi. Ou dans la tendance, comme il y a la double tendance un peu chez Mgr Lefebvre, entre rupture et rapprochement, comme Bobby avait mentionné avec Jean-Paul II. D'ailleurs, quand il se rapprochait, du Vatican, il avait tendance à mettre à la porte la Sede Vacantis, qui était une demande expressément de Rome, comme l'abbé Guépin, qui a été proche de Mgr Lefebvre, l'a déjà mentionné. Lui qui a toujours respecté Mgr Lefebvre, alors qu'il a été justement traité comme un chien à cause de ce que je viens d'énoncer. Voilà, il y a eu un peu ces deux tendances, et alors soit c'est que la tendance ralliée qui gagne, mais voilà, si on revient à Mgr Lefebvre, tout son combat est quand même radical, et en 1988, il fait des sacres d'évêques sans aucun mandat romain, ce qui est, dans la doctrine catholique, tout à fait impossible. C'est pourquoi il faut en effet remettre en question la légitimité de Vatican II et de toute l'autorité qui peut en émaner. Parce que sinon, selon le droit canon et le magistère de l'Église, quand vous lisez, vous renseignez, on n'a pas le droit de faire des sacres sans mandat romain. La seule chose là, qui le permet, si j'ose dire, c'est que bah, il y a un peu un déficit du siège. Et donc, on remplace un petit peu. C'est le principe d'épiqui. Vous savez, c'est un mot grec qui veut dire que, un peu comme le principe de subsidiarité, quoi. Si la haute hiérarchie n'assume plus, eh bien, l'échelon juste inférieur prend le relais, en quelque sorte. Alors, on nous bassine de ces principes dans le milieu traditionnaliste, mais on ne les applique pas jusqu'au bout, quoi. Je voulais rebondir encore par rapport à Mgr Wunder, mais là, je me concentrerai sur les sacrements. Mgr Wunder, avant Pâques dernier, c'était en 2023, je crois, c'était lui qui avait béni les eaux, l'eau chrismale, l'eau qui sert en fait au baptême et puis aux confirmations. En Suisse allemande, je crois, à un endroit précis, oui, tu as raison. Oui, en Suisse allemande, exactement. Et en fait, il y avait beaucoup de personnes, je me souviens, il y avait eu un débat dans Rivarol beaucoup de gens se posaient des questions sur la validité en fait, des sacrements qui vont être donnés à la fraternité, puisque l'eau est utilisée. Ouais, alors par contre, c'est un peu le délire, parce que même tu peux prendre une eau de ta bouteille d'Evian, un prêtre, d'ailleurs même un prêtre, même un laïc, peut faire un baptême parfaitement valide. Bon, après, il y a. C'est parce qu'il y aurait une urgence, quelqu'un est en train de mourir, etc. Mais je veux dire, c'est pas la qualité de l'eau bénie ou pas bénie. Et puis, en fait, je crois que c'est le Saint-Crème, en fait, non ? C'est pour les confirmations. Oui, Saint-Crème, c'est la Saint-Crème. Je me corrige, je crois que c'était oui, le Saint-Crème. Pour les confirmations, ouais, le Saint-Crème. C'était pour la fête, une fête de Pâques, je pense. Où, enfin, oui, c'est ça, oui, oui. Non, je me corrige, c'était pas l'eau, hein, c'était bien le Saint-Crème. Après, je voudrais pas quand même faire une hiérarchie dans les sacrements, etc. Mais on peut quand même. J'espère qu'on peut quand même dire que voilà, le sacrement du baptême est quand même essentiel. C'est-à-dire, c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ l'a rendu très simple. Et c'est aussi pour ça que l'Église, dans sa grande générosité et son grand pragmatisme, a suivi les recommandations du Christ de garder la simplicité, de permettre des baptêmes faciles à faire. Bien sûr. C'est embêtant, ces histoires de sacramentelles ou des autres sacrements. Mais... Et moi, cette petite précision, mais voilà, ça n'engage pas autant qu'un baptême, par exemple, qui ne serait pas un baptême. Là, ce serait catastrophique. Évidemment, c'est juste pour revenir à ces questions de sacrement. Donc, on est d'accord, un évêque, par exemple, de la fraternité, ou non, qu'est-ce que je veux dire ? Non, un évêque, il ne peut pas sacrer un nouvel évêque sans l'assentiment du pape à la tête à Rome, on est d'accord, c'est ça, bon. C'est ce dont je parlais avec le fait de sacrer sans mandat apostolique, sans mandat romain dans le contexte actuel. Après, Rex, tu peux aussi confesse en Rex, que là, tu viens en gros de résumer le cas général. Et il y a quand même pas mal d'exceptions. Par exemple, il n'y a pas de pape, pas pour des raisons de cet évacantisme théologique, etc. Juste, le pape est mort, par exemple. Ou par exemple les persécutions de l'Empire romain fait que on peut absolument pas communiquer avec le pape, par exemple, ou alors on ne sait même plus qui est le pape parce qu'on n'a pas eu de lettre qui parcourait ou qu'il y a une urgence, etc. Il y a quand même pas mal de petits cas, on va dire exceptionnels, qui n'enlèvent rien à la règle générale. Hein. Ouais, exact. Oui, l'Église de Chine sous le communisme, coupée de tout le monde, qui a d'ailleurs moins subi en premier les effets de Vatican II, mais par contre de l'État chinois. Là, c'est aussi un cas, en effet, où tu essayes d'établir un contact, mais si c'est strictement impossible, bon, les évêques sur place doivent assumer toute la charge possible, et c'est quelque chose. Donc, oui, pareil, tous les catholiques sont cédés vacantistes quand un pape est mort, le temps d'en réélire un autre aussi. Hein. Et tous les catholiques ne sont pas cédés vacantistes dès lors qu'il y a un pape légitime sur le trône de pierre, qu'il soit à Rome ou pas, parce que le concile de Constance, c'est une ville plutôt, on dirait, en Allemagne actuelle. Quoi. Bon, géographiquement, ça ne change rien. L'Église catholique est romaine et universelle par définition, parce qu'elle est dans sa définition. Enfin, c'est l'Église de Jésus-Christ. En tout cas, moi, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais je suis convaincu qu'il n'y aura pas d'entre-deux. C'est-à-dire que je ne sais pas comment Metzingen ou Rome vont gérer cette crise. Pour Rome, c'est très simple, ils ont juste à attendre, hein, ça, je le répète. Donc, soit Rome, attend et gagne. Voilà, donc les évêques disparaissent malheureusement sans fracas, sans rien, et la fraternité se noie dans les modernos. Soit, on voit quand même une forme de courage et de réaction de la part des cadres de la Fraternité Saint-Pélis, et ils font sacrer d'autres évêques. Mais je ne vois pas du tout un entre-deux, alors ça, jamais de la vie, avec un mandat qui sera accordé à la Fraternité Saint-Pélis, même en échange de je ne sais trop quoi. Ça, à mon avis, ça n'arrivera jamais. S'ils l'attendent, ouais, ils peuvent se mettre le doigt dans l'œil très certainement, quoi. Donc c'est après, soit ils prennent leur courage à deux mains et ils le font, soit ils ne le font pas, et donc comme je disais, ils auront beau terminer richissimes, ils perdront le sacerdoce, et il y aura de petites hémorragies tout de même, comme il y en a toujours un peu eu entre les prêtres libéraux quittent la Fraternité Saint-Pédis, ils rejoignent la Fraternité Saint-Pierre, ils la fondent d'ailleurs, et Mgr Williamson est éjecté, donc ça fait, une énième antenne, etc. Donc il y aura, s'ils ne font rien, il y aura forcément une hémorragie, un peu comme même quand ce Mgr Under s'est occupé du Saint-Crème, il y aurait eu des informations comme quoi... comment il s'appelle cet abbé, l'abbé Salnave en parle, entre autres, sur place, certains prêtres n'ont pas accepté la chose et ont évité d'utiliser tout ce qu'il avait pu bénir par la suite. Par exemple, il y a eu des faits comme ça sur place après coup. Mais voilà, il y aura forcément un peu de résistance, des hémorragies, des clercs qui partent, des fidèles qui partent. Dans ce cas-là, ça renforcera, soit il y a une nouvelle structure, mais ça renforcera plutôt très probablement plus Mgr Williamson, par déception ça peut même renforcer les ralliés d'ailleurs, les cédés vacantistes, donc ça renforcera un petit peu plus les autres. Alors je crois dans l'émission précédente je disais en ce sens, si la Fraternité Saint-Pélis n'assume plus un peu son côté, si j'ose dire, phare de la tradition, elle va perdre de sa prééminence petit à petit, mais bon, c'est vrai que c'est sur des décennies, parce que l'avance est considérable. Il faut reconnaître que Mgr Lefebvre a eu un charisme énorme et a su un peu catalyser toute la réaction traditionnaliste en bonne partie. Donc voilà, ils perdront du terrain à l'espace des décennies. De là à dire qu'il y a une structure émergente qui prenne le pas au-dessus, etc., c'est beaucoup moins sûr, surtout que j'ai l'impression que ça manque un peu plus d'organisation du côté williamsonien et c'est des vacantistes. Il y a beaucoup moins d'écoles, déjà. Pour prendre l'exemple des fameux séminaristes que tu as évoqués, Rex, donc imagine, ils n'arrivent pas à accéder au bout de leur formation parce que les évêques, la fraternité, par exemple, seraient disparus. Donc, c'est un cas un peu farfelu que je viens d'évoquer, mais imagine, c'est pas impossible non plus d'y penser. On peut imaginer que ces gens-là iraient plutôt naturellement finir leur formation chez Mgr Williamson. Ça pourrait se finir comme ça. Donc... beaucoup de choses peuvent se passer. Hein. Bah, en tout cas, pour ce qui est de la crise de l'Église à ce sujet, j'aurais dit on accuse trop souvent les modernistes de la continuer, de la perpétrer, mais moi je pense que les modernistes sont des ennemis de la foi, ils sont en dehors de l'Église, ils n'ont pas à proprement parler d'autorité légitime dans l'Église de Jésus-Christ, et que donc si cette crise perdure, c'est que les traditionalistes eux-mêmes en fait, n'assument pas assez leur charge, leur juridiction dite universelle, et toutes ces choses-là. Voilà. La crise de l'Église, entre guillemets, continue dans son corps ecclésial, j'entends, puisque à titre surnaturel, on ne peut pas dire qu'il y a un défaut dans l'Église du Christ. Je veux dire, elle est pure de toute erreur et tout ça. C'est le corps de l'Église ne peut pas être en crise. Le corps du Christ ne peut pas être en crise. Oui, voilà, le corps du Christ ne peut pas l'être après que ses hommes, ses clercs, aient des faiblesses, etc. Ça, c'est autre chose et ça peut exister, on va dire, à titre sociologique. Là, c'est un peu moins de la théologie, même si ça en fait partie, quoi. C'est un peu tout le corps mystique du Christ, ouais, l'Église, et donc une partie qui est ses fidèles et ses clercs avec toute la hiérarchie, toute la hiérarchie interne, quoi. Donc voilà, faut un petit peu sortir de ce strabisme. Il y a les travaux de l'abbé Zins qui sont. Il a des torts, très certainement, cet homme. Il a un petit côté. Home Alone-er, genre à part ma messe, voilà, faites la messe chez vous, quoi. Il y a un petit côté comme ça, donc à part peut-être deux prêtres valides dans le monde. En ce qui me concerne, j'étais catholique, j'étais lié au mouvement intégriste. Revenir aux messes en latin me paraissait un pas vers la purification. Et puis j'ai appris qu'avant les messes en latin, les messes étaient dites en grec, alors. J'ai créé un groupuscule encore plus intégriste. Et puis un jour, j'ai appris que Jésus avant était juif au départ. Et vous imaginez dans quel désarroi spiritique je me suis retrouvé. Et j'ai rencontré Skippy. Voilà, il y a ce problème-là. Mais il a fait des ouvrages critiques du guérardisme et du lefévrisme qui les confrontent face à leur strabisme et même à leurs innovations. Dans le temps, puisque le discours change un petit peu, même par rapport au fondateur, ce qui est encore plus criant chez les guérardiens. Quelqu'un comme l'abbé Belmont est un peu semi-guérardien à cause de cela. Genre, il voit les innovations des nouveaux, il est choqué, alors il reste sur Monseigneur Gérardet Laurier, qui a eu moins d'influence, mais dans l'espace français, européen, franco-italien d'ailleurs en particulier, c'est un peu ces deux évêques qui ont pris... qui ont monopolisé l'espace, si vous voulez, dans le monde traditionnaliste, en sachant que Mgr Gérardet Laurier, donc lui, c'est déprivationnisme, c'est un sédévacantisme intermédiaire. Genre, il y a une vacance du siège, mais le siège est quand même un petit peu occupé matériellement, donc ça crée une conception un peu curieuse où il y aurait une église double, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut un peu, même quand on est lefévriste, savoir un peu... sortir de tout notre héritage historique personnel et savoir voilà quel est le meilleur tout simplement pour le bien commun à l'heure actuelle. Pour revenir en fait à ce communiqué du supérieur de la fraternité, parce que ouais, prier c'est bien, mais agir c'est mieux, quoi, parce que Dieu ne vient pas en aide à ceux qui n'agissent pas, quoi. La charité nous pousse à agir de toute façon, puisqu'il faut diffuser la foi, la faire rayonner, mais bon, la prière et évidemment la contemplation est quand même aussi quelque chose de supérieur, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, la prière comme support de nos actions, quoi. C'est par rapport aux fidèles, en fait. Je pense que les fidèles sont maintenus dans une espèce, tu sais, d'ignorance, un peu une espèce d'apathie par rapport à tout ça, en fait, tu vois. On invoque toujours, tu sais, Monseigneur Lefebvre, l'esprit de Monseigneur Lefebvre, mais finalement, enfin, la chose ne pourra pas durer longtemps, comme a dit Bobby. Enfin, l'entre-deux ne pourra pas durer longtemps, et les fidèles devront bien aussi se rendre compte et faire un choix aussi à ce moment-là, parce que nous, en tant que fidèles, on aura des choix à faire également. Ça nous met aussi, nous, dans des positions difficiles. Bon, c'est encore plus le cas des clercs. Et nous, on va devoir... faire des choix à ce moment-là, quand ce sera tranché. Bah, ouais, totalement, Belloc, hein, tu sais, la sociologie, on va dire, par rapport aux fidèles de la frate et par rapport aux clercs de la frate, c'est très clair. Hein. Les fidèles, ils sont à la frate justement parce qu'ils ne veulent pas avoir de rapport avec Rome, c'est pour ça qu'ils sont là, sinon ils iraient ailleurs, sinon ils iraient à la fraternité Saint-Pierre, sinon ils iraient carrément chez les modernistes, qui sont beaucoup plus à droite, on va dire, pour prendre le terme simple. Alors que les clercs, bon, des fois, on se pose des questions quand même, hein. Ils sont beaucoup plus... conciliaux, compatibles certains plus que d'autres. Et puis de ce que tu dis, Belloc, c'est sûr que en fait, le lefévrisme sans Monseigneur Lefebvre, ça a beaucoup moins d'impact. C'est un peu comme, je fais une transposition en politique, le gaullisme après De Gaulle, le péronisme après Péron, père et fille. Les gens s'en revendiquent, les partis officiels s'en revendiquent, ça n'est suivi d'aucun effet. Les seuls qui veulent continuer un peu le gaullisme, à ce jour, sont souverainistes. Donc, ils sont chez Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, etc., toute la bande. Que là, à la limite, ceux qui sont peut-être plus fidèles à Mgr Lefebvre, tendance non ralliée, sont chez Mgr Williamson, probablement. Mais voilà, le lefévrisme sans Mgr Lefebvre, ça a beaucoup moins d'impact comme quand une personnalité disparaît, quoi. Tu retires à égalité réconciliation Alain Soral, il y a peut-être 30 personnalités qui ont émergé depuis, mais c'est pas pareil. Oh, je voulais rebondir, Rex, mais bon, l'hitlérisme sans Adolf Hitler, ça marche plutôt bien quand même. Unacum Hitlerum, pour clore ce premier sujet. Très bien, messieurs, je vous remercie pour vos réactions par rapport à ce premier sujet. Donc, on devait quand même évoquer la disparition de Mgr Thyssen Malaret, qui a quand même globalement, on va dire, très bonne presse parmi, on va dire, tout le tradistan, toutes tendances confondues. Donc une disparition bien malheureuse et qui en plus a des conséquences graves, comme vous venez de le voir. Voilà, donc un sujet grave. On voulait commencer par ce sujet grave parce que vous attendez aussi là-dessus. Et maintenant, on va commencer par des sujets, on va dire, plus légers, qui ont quand même, vous allez le voir, une part de gravité aussi dans le fond, dans un tout autre registre. Et je vais commencer par mettre une petite musique qui va rompre totalement avec l'ambiance que l'on vient de subir. Pour fêter la victoire, une victoire, puisque le père Mathieu, entre guillemets, bien sûr, retourne dans le civil, il quitte la prêtrise, il quitte le sacerdoce, donc victoire. Conclusion, le harcèlement, ça paie. Voilà, des gens, ils disent le harcèlement, c'est pas bien. Ah, parfois, le harcèlement, ça paie. Donc voilà, très, très belle plaisanterie. Le père Mathieu quitte le sacerdoce après quelques petites années, alors qu'il avait à peine quitté sa formation à enseigner. En fait, tout sauf la religion catholique, qui a surtout fait la promotion de l'homosexualisme dans nos paroisses. C'est une bonne nouvelle qu'il arrête de disperser ses sottises sans queue ni tête, ne faites pas de jeu de mots s'il vous plaît, dans notre camp, même si c'était un peu beaucoup chez les modernos. Malheureusement, tout ça transpire aussi de nos paroisses, on n'en veut pas, voilà, c'est bien, il retourne à la vie civile. Merci, qu'il ne revienne surtout pas, et j'ai envie de dire, voilà, petite victoire, on savoure cette petite victoire. Bon, déjà, qu'il revienne où, parce que déjà, bon, qu'il revienne à l'Église catholique, ça c'est sûr, il était déjà à pas de base, donc donc s'il revient ou qu'il revient pas, ça nous est strictement égal en soi, je pense. Je pense que Véloc a quelque chose à dire, parce qu'entre-temps, il a dû boire une petite bière et il est chaud, j'ai chaud comme la braise. Donc, moi, je dirais juste que j'ai remarqué que la seule chose dans laquelle le père Mathieu n'était pas passif, c'était avec les mouches, parce que quand on l'écoute en vidéo, c'est un torrent de bouse en flot continu. C'est incroyable, quoi. Ça ne veut rien dire. Ah oui, parce que j'explique, parce qu'il a quand même fait une petite vidéo pour essayer de s'expliquer. Donc effectivement, ça dure 45 minutes où il s'explique et on ne comprend rien. Alors pourtant, on utilise des mots très simples. En fait, je pense qu'il a pris une boîte de Scrabble, il l'a balancé en l'air, il a pris des mots au pif comme ça. Il essaie de faire des phrases avec, ça ne veut rien dire. En fait, les modernos, ils sont comme ça. Les modernos, tout est confus. Et donc, les raisons, on va dire, qu'on a pu dégager par rapport à son départ, c'est qu'il aurait été en froid avec sa hiérarchie, et il aurait aussi subi du harcèlement, probablement de sa hiérarchie, mais il évoque aussi la part de gens lambda. On ne sait pas trop, c'est pas très clair. Et les modernistes, vous leur posez une question, ils répondent, enfin, vous ne comprenez même plus la question. En fait, sa vidéo là, qu'il a faite là pour se justifier, son coming out spirituel. Bon, déjà le vocabulaire, il y a un petit problème hein, quand même. En fait, pour moi, c'était 45 minutes en fait de développement personnel. En fait, il parlait toujours de garder le sourire. Enfin, déjà, lui, il a toujours un sourire, c'est une espèce de rictus toujours vissé au visage. Moi, ça m'agace. Hein. Ça, c'est personnel. Mais on a envie de faire venir Balrog, ouais, c'est vrai, quoi, avec une telle tête. Une tête à claque, ouais. Narquois, là. Oui, et en plus, bon, il dit des choses assez folles. Il a quand même un moment l'honnêteté de dire que comment ça se fait qu'on a pu le laisser devenir prêtre, en fait, en gros, quoi. C'est ça qu'il dit. C'est une bonne question, effectivement. Ouais. Mais il la pose à un moment. On se la pose quoi. Tous, ouais, effectivement. En fait, il dit « je comprends pas parce que j'étais un peu anarchiste, un peu... qui dit libertaire, mais oui, mais en fait, tout ce qu'il passe son temps à critiquer, en fait, c'est l'ordre, la hiérarchie. Et pour lui, en fait, la hiérarchie, l'ordre, le pouvoir, ça mène forcément à l'abus. Sauf que pouvoir et abus, c'est pas la même chose. Il dit à un moment que ça exacerbe le mauvais chez les gens, tu vois, d'avoir du pouvoir, en fait. En gros. Le gars, c'est un anarchiste, en fait. Hein, et en plus, il blasphème, déjà, il continue de blasphémer, c'est-à-dire que, bon, on se serait dit, il a arrêté le sacerdoce. On s'est dit, bon, on va plus le voir, et ben, on le voit encore, malheureusement. L'abbé Rio avait raison de dire que c'était un petit orgueilleux, parce qu'en fait, il se met en scène encore à faire une espèce de confession, comme ça. Il raconte tout ce qu'il a subi, bon, il a été réprimandé, il a subi des choses diverses, mais en fait, jamais il se remet en question, jamais il se dit pourquoi j'ai subi ça. C'est une pauvre victime. Alors qu'en fait, il a passé son temps à perdre les gens. Sur TikTok, il disait aux gens, en gros, c'est bien d'être homosexuel et d'être catholique. Quoi. Pour lui, il n'y a aucun problème. Enculé, tapette, pédé, tarlouse, etc., etc. À vivre dans le péché. Et puis, enfin, en fait, c'est de l'aboutissement de Vatican II, en fait, le père Mathieu. Il ne parle jamais de péché, il ne parle jamais de salut de l'âme. À chaque fois qu'il parle de ça, d'ailleurs, il lève les yeux au ciel pour la gloire de Dieu. On dirait que c'est ironique. Il se moque des saints. À un moment, il dit que le culte des saints... pour lui, les saints, c'était des gens qui avaient des blessures physiques et qui n'ont pas pensé à soigner, tu vois. Mais en fait, les saints, leur but, c'était de se sauver et de se sanctifier. Et lui, il dit qu'ensuite, on leur voue... il dit qu'on leur... le culte des saints, en gros, enfin, je dis ça en substance, c'est un fantasme de communion divine mortifère. Enfin, mais enfin, on ne peut pas faire plus blasphématoire que ça, quoi. C'est pas faire plus protestant, en vrai, parce que là, c'est vraiment du protestantisme, il dit, parce que, ouais, il pense que si on prie aux saints, c'est peut-être de l'idolâtrie, que c'est de la nécromancie, ou je sais pas quoi, là. C'est, ouais, c'est... Parce que le culte des saints, il est... avant de rentrer comme ça dans. Au diaconat, il était quand même conscient que ça existait. J'espère pour lui qu'il l'a pas découvert dans sa formation. Donc, si jamais tu es en contradiction, tu n'acceptes pas le culte des saints quand tu es catholique, bon, bah, c'est pas possible, tu vas chez les protestants. Pourquoi est-ce qu'il est rentré au séminaire dans ce cas? Ça n'a aucun sens. Ou alors il l'a appris en cours de route. Alors là, ça serait délirant. Là, ça voudrait dire ils acceptent vraiment n'importe qui. Hein. En fait, pour revenir à ce que tu disais, Belloc, mais c'est vraiment ça, en fait, je pense que c'est pas étonnant des cas comme Mathieu. Finalement, c'est un produit du modernisme, mais arrivé un peu trop tôt quand même, parce que je pense que Adrien Bozzi avait bien analysé la chose en disant qu'en fait, parce que la clique à Bergoglio va encore donner le change aux naïfs en leur faisant croire qu'ils ont quand même encore affaire à une église catholique plus ou moins orthodoxe sur quelques questions, peut-être l'avortement. Et puis finalement, peut-être, il nous rend service, en quelque sorte, Mathieu, en exposant involontairement les conséquences ultimes de Vatican II, du modernisme, en fait. Ouais, c'est un anti-témoignage pour Vatican II, et puis même de ce que dit Belloc, voilà, on a connu un peu 1789 entre les murs de Rome avec Vatican II, et là, en fait, avec, d'ailleurs, Bergoglio lui-même, Et tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut propager comme idée, finalement, il valide indirectement des personnalités comme, au moins implicitement, et même un peu plus, des personnalités comme le père Mathieu, qui eux font un Vatican III qui ne dit pas son nom, si j'ose dire, c'est mai 68, cette fois, entre les murs de Rome. On en viendra même avec les sujets suivants, là, il y a une véritable constance. Mais Belloc a bien dit, il commence sa vidéo, il dit c'est un peu ma confession. Pour lui, la conception de la confession, c'est littéralement raconter sa vie. On peut pas lui en vouloir totalement, dans le sens où chez les modernistes, quand ils sont pas très conservateurs, et c'est-à-dire la majorité, c'est le cas. En effet, la confession, c'est un, enfin, je veux dire, l'abbé est un psychologue, quoi. C'est, on raconte sa vie et ça ferait du bien. Mais la confession, ça n'est pas ça. C'est un vrai sacrement où on confesse des fautes graves ou non. Et on doit faire pénitence, on doit remettre ses péchés à Dieu. Il y a, voilà, il y a des prières à effectuer, voire des actes. C'est pas raconter sa vie comme un narcissique absolu qu'il est, parce que c'est vrai que c'est ça. Hein. Il ne fait que parler de son nombril dans cette vidéo qui doit durer 3/4 d'heure. Alors j'avoue l'avoir écouté en x2 d'une oreille, etc. Mais il y a un petit peu trop de choses qui sont entrées dans mon oreille à mon goût. Il emploie le seul joli mot qu'il emploie, allez, c'est espérance. Et comme d'habitude, la définition est tout à fait galvaudée, ça ne va rien dire, c'est creux. Comme c'est toujours chez les modernistes, les mots ne veulent plus rien dire. Et il y a ce côté, un mérite chez le père Mathieu et donc Bergoglio, où, vous savez, on disait, et c'est un peu la définition du modernisme chez Saint-Pie-X, on lit un document émanant de leur part, la page de gauche est moderniste, libérale, tout ce que vous voulez, et la page de droite est catholique. Alors on est un peu confus, on se dit, tiens, mais... c'est bizarre, il reste du catholicisme, mais il y a un mélange confus, ça va pas. Je trouve avec Bergoglio et Père Mathieu, bah là, c'est, vous regardez les deux pages, elles sont gauchistes. Il y a pas de... Donc au moins, ils ont ce mérite-là d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que Belloc a souligné un bon point que j'avais pas trop, auquel je n'avais pas fait trop attention. Mais c'est vrai qu'il est très anarchisant et que pour lui, toute autorité est mal, alors qu'au contraire, toute autorité vient de Dieu. Un petit peu comme la vérité qui libère, et certes, c'est un pouvoir bien exécuté qui élève les gens vers le bien commun, social, tant social que spirituel, mais au contraire, c'est par l'autorité qu'on change véritablement les gens. Vous pouvez, c'est un peu un débat, un échange de lettres entre Maurice Barrès et Charles Maurras. Je donne un point à Maurras plutôt dans cet échange, bien que Barrès a dit des choses très vraies. C'est Boarès, on conquit les Français et tac, l'institution changera. Mora, c'est plutôt non, on prend le pouvoir et avec le pouvoir, on refait l'esprit, quoi, et on refait des Français. Et en fait, il est plus vrai de dire, j'ai l'impression que c'est avec l'autorité qu'on construit véritablement quelque chose, même si ça n'empêche pas, nous, à notre petit niveau, d'aller, si j'ose dire, convertir le voisin. Ça, c'est certain. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que c'est avec l'autorité et le logos qu'on attire vraiment, vraiment les gens. Mais d'ailleurs, tu parlais de psy, là, mais en fait, il n'arrête pas de dire que le prêtre est un manager et un psy. Donc, moi, j'entends jamais le mot sacrifice, la messe. Le prêtre, son rôle principal, c'est quand même de dire la messe. C'est de sacrifier, c'est de donner l'Eucharistie. Il a une vision, c'est la vision de Vatican II. Il critique même le sacerdoce en lui-même, puisque à un moment, il dit que se confondre avec son l'être et l'agir de prêtre, il dit que c'est pervers, parce qu'en fait, en gros, on peut plus se comporter comme un homme normal, quoi. En gros, lui, il pourrait être prêtre, mais il se comportait comme un homme marié, quoi, en gros, quoi. C'est ce qui sort en substance de ce qu'il dit. Mais ce qui est fou également, c'est qu'à la fin, il prétend quand même soigner l'Église, quoi, avec son bouquin, là, avec ses 124 astuces, là, avec son espèce de truc New Age, là, je sais pas ce que c'est. J'aime bien ce nombre 124, etc. Ça me fait vraiment penser à Martin Luther qui va placarder sa liste de 124 astuces, lui aussi. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai, t'as raison, ça fait écho à ça, ouais, un peu. Mais il prétend soigner l'Église avec son petit sourire et enfin il parle toujours de garder le sourire. Et à un moment il dit on dit qu'on a un ciel à gagner. Oh mais le paradis il est déjà là. En fait mais c'est du pur Vatican II, c'est du pur modernisme. Le salut il est ici bas en fait. C'est la vie est ici bas en fait. Il y a rien de surnaturel en fait chez eux. Moi je me demande vraiment s'ils ont la foi ces gens-là. Je veux dire, il peut invoquer le nom de Dieu comme ça. Et d'ailleurs, quand il parle du Christ, il dit à un moment, si le Christ il a existé, il aurait peut-être pas fait ça ou quelque chose comme ça. Ah oui, le conditionnel. Il est même pas sûr que le Christ existait. Encore une fois, si Jésus a vraiment existé, on nous le présente comme un gars qui est resté avec ses 12 copains, quelques femmes. Je suis très convaincu que si Jésus a vraiment existé, ça a été l'un des plus grands maîtres de spiritualité que l'humanité n'ait jamais porté. Non, mais c'est dingue. Et en fait, il dit, oh, est-ce qu'il aurait plutôt tendu la main au petit ou alors sauvé le parti? Lui, il appelle ça le parti. Tu sais, c'est comme si l'Église, c'est le parti communiste, tu vois, c'est le Comintern. Non, mais c'est dingue. Il en parle comme une espèce, tu sais, d'espèce de chape de plomb, tu vois. Pour lui, c'est mal, quoi, limite, quoi. C'est l'Église. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est qu'il parle de la communauté merveilleuse des chrétiens, mais il ne s'inclut jamais dedans. Il dit, moi aussi je le suis. Enfin, il parle des chrétiens comme s'il en était extérieur. Enfin, c'est assez dérangeant. Moi, je me suis dit, il va peut-être faire profil bas maintenant qu'il s'est fait un peu tenser. Mais en fait, il va revenir encore à la charge. Et d'ailleurs, Mathieu Lavagna, c'est un conciliaire conservateur qui récemment s'est fendu d'une vidéo sur le père Mathieu en disant qu'il allait malheureusement se produire sur les plateaux en parlant de son bouquin. Mais en fait, oui, c'est ce qu'il va faire, puisqu'en fait, j'ai vu qu'un article du Parisien récemment était sorti sur lui, donc maintenant, il va déblatérer sur tous les plateaux télé, répandre ses erreurs, ses hérésies. Excuse-moi, Bella, parce que c'est vrai que j'explique un peu de sociologie direct, là, parce que lui, il adore les micros, hein. Dès qu'il y a un micro, il est très, très heureux. Et puis alors, les journalistes, bien laïcard, dès qu'il y a un prêtre, alors que ce soit un prêtre de gauche, de droite, de ce que vous voulez, hein, ça ne les intéresse pas. Un prêtre juste qui quitte le sacerdoce, alors là, eux, ils adorent. Ils donnent la parole et ils en font des tonnes. Il aime les micros, mais pas seulement, non, parce que je sais pas. Nous, on utilise des micros à l'heure actuelle, mais on les utilise pour ce qu'ils font. Je sais pas, lui, quelle est son utilisation. Ça lui ferait peut-être perdre son rectus, d'ailleurs. Donc, c'est pas plus mal. Donc, voilà, ouais, l'utilisation du micro, laquelle? Parce que, ouais. Ouais, mais excuse-nous, bon, Belloc, pour ces interventions. Je me prends une deuxième bière. C'est de la haute théologie, là. Et ouais, en fait, il le dit, hein, de toute façon. C'est vrai, il commence à prendre la parole dans sa vidéo poubelle et il dit, en fait, je vais sortir mon livre, c'est pour ça que je fais cette annonce. Peut-être même qu'il serait presque capable de, non pas revenir, mais de ne jamais partir, en fait, pour juste avoir fait son gros coup de publicité. Lui qui était déjà suivi sur TikTok à presque 2 millions de personnes ou quoi, donc c'est une caisse de résonance trop grande, même si je pense pour la majorité, c'est probablement plus pour se foutre de lui Enfin, vous remarquez pas tant que ça. Faut voir TikTok, les commentaires. Tu sais, je sais pas trop. Ouais. Moi, je suis pas sur TikTok, hein, d'accord, parce que j'ai bientôt 40 ans, donc c'est pas possible. Mais non, c'est possible quand même qu'il y ait pas mal de gens. Enfin, vous voyez quoi, je vais pas terminer cette phrase. Et pour enfoncer encore un peu le clou, parce que c'est voilà, il l'a dit, mais là que il emploie le conditionnel si Jésus a bien existé, alors même... en fait. À Aurémousse, on aurait pu être gentil et dire « Allez, il défend la foi à 1% », mais même pas, quoi. Il n'est même pas capable de faire un peu d'apologétique et de dire que quand même, au moins, Jésus-Christ, c'est un personnage historique qui a existé, quoi. Même ça, c'est trop, il nous fait son... Les historiens athées l'admettent, quoi. Même tous les historiens l'admettent, en fait. Sauf le dernier prof de gauche, là, comment il s'appelle, son Front Populaire et tout ça, là. On a déjà parlé, non lui. Ouais, Michel Onfray, ouais, exact. Ouais. L'abbé Rioux l'a démonté, là, en quelques vidéos, là. Ouais, après, il faudrait voir le contenu précis et faire. Ce serait bien qu'un abbé traditionnaliste se charge de faire une réfutation un peu d'apologétique sur l'évangile ou autre pour. Justement, l'abbé Rioux, quand je le dis, il a démonté, bon, c'est un peu provocateur, mais il démonte point par point en fait les arguments en fait de Michel Onfray, avec de l'exégèse biblique. Il a fait, je crois, une vingtaine d'épisodes dessus, des épisodes qui durent au moins une demi-heure, hein. Donc c'est très très sérieux. Et toujours pour sur le père Mathieu, pareil, hein, parce que le père Mathieu, dès qu'il parle, il y a 50 hérésies qui tombent. L'abbé Rioux, il a fait, je crois, plusieurs vidéos dessus de mise au point. Où c'est très précis, quoi. Donc l'autre qui nous raconte que l'homosexualité, c'est pas un péché, de toute façon il n'y a pas de péché, non, mais ça va aller. Donc l'existence historique de notre Seigneur Jésus-Christ est mille fois plus attestée que les soi-disant preuves des chambres à vélo, par exemple. Alors je te pose la question autrement, est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Voilà, mais je suis sûr que si tu interroges le père Mathieu, par exemple, il va te dire « Ah non, ça c'est historiquement attesté, je sais pas quoi. » Ah, il fait un acte de foi sur les épisodes. C'est la nouvelle religion, de toute façon. Bah, tu as raison, même par rapport à l'Antiquité, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de beaucoup de personnages de l'Antiquité, et très souvent... Pour les historiens, c'est très difficile de dire « Ah oui, un tel, alors peut-être que ça, c'est son écrit, ça ne l'est pas. Peut-être on dit ça, mais c'est une source et peut-être qu'on ne peut pas trop lui faire confiance. » C'est archi compliqué par rapport à l'Antiquité, parce que le Moyen-Âge, en partie, a méprisé ses documents, mais tout de même, on a aussi retracé, c'était pas évident à l'époque, hein, le papier pourrissait, il fallait le réécrire, etc. Il y avait des petits passages manquants, même pour quelqu'un comme Cicéron. Niveau personnage attesté dans l'Antiquité, c'est assez compliqué, alors que Jésus-Christ, là, il y a toute une pléthore, une flopée, dont un juif romain, d'ailleurs, un juif habitant Rome, qui l'avait attesté, j'ai plus son nom m'échappe là. Oui, Flavius Joseph. Ouais, voilà. Flavius Joseph, bien vu. Heureusement qu'on a deux historiens et personne de Belloc et Ludwig. J'allais rebondir sur Belloc avait canonné aussi sur son côté anarchiste le fait de vouloir devenir prêtre et en quelque sorte de tirer ses avantages sans avoir les inconvénients, entre guillemets inconvénients, c'est-à-dire les devoirs, les choses qui lui sont imposées, comme par exemple le célibat, si j'ose dire, et également son petit côté start-up. Ouais. Il parle de l'Église catholique comme d'un parti politique alors que ça se situe dans le champ religieux. Quand la théologie arrive, c'est plus de l'or naturel pur, on ne peut pas parler que ça, ça n'est pas possible. Et en fait, il est partisan d'une absence totale de hiérarchie en s'inspirant un peu de la Startup Nation. Or, même dans les Startup Nation, on emploie des méthodes Scrum et Agile qui sont dites un peu hiérarchie atténuée, sauf que les hiérarchies ne sont jamais supprimées dans les entreprises, y compris contemporaines, où la hiérarchie donne une idée de l'infini entre... Des gens qui pensent le modèle, des gens qui organisent le groupe, qui pensent le projet, le design, le je sais pas quoi. Tout ça nécessite une grande organisation, une hiérarchie, et qui en plus est elle-même tirée du Troisième Reich, pour revenir et retomber sur nos belles pattes, puisque Reinhardt, vous me rappellerez son nom de famille aussi, et Robert Ley sont des cas clés de cette responsabilisation par délégation. Tu vois de qui je parle, non, Belloc? Oui, bah Robert Ley, c'était le chef du Front du Travail, donc du parti du NSDAP, donc qui ont complètement, enfin il y a une loi en 1934 sur la régulation du travail, et en fait toute la hiérarchie a été repensée, et en fait ça a rappelé les devoirs des patrons, les devoirs des travailleurs. D'ailleurs, c'était plus employeur-employé, parce que ça, en fait finalement c'est les termes qu'on doit employer pour des objets. Et c'était chef et subordonné. Et c'est ce qui a créé vraiment en très très peu d'années, vraiment une force de travail incroyable chez les Allemands. Et en fait, la lutte des classes a été complètement supprimée. Il n'y avait plus de jalousie, il y avait le bien de la nation qui comptait, le bien commun. Et ça a très très bien fonctionné. Enfin, on a pu le voir pendant quelques années. Malheureusement, pendant que 6-7 années avant le début de la guerre, mais on voit que la hiérarchie est importante, mais qu'elle doit se faire en justice, donc ceux qui sont chefs ont une grande responsabilité, et ceux qui sont subordonnés ne doivent pas murmurer. Et donc la hiérarchie est importante, mais elle est bien cadrée, et voilà, ça donne une idée de l'infini, comme disait Rex, puisque ça mène au bien commun, et le bien commun est un tremplin pour le bien spirituel, le salut éternel. L'autre personnalité à laquelle je pensais, c'était Reinhard Hahn aussi. La révolution conservatrice allemande, c'est l'entre-deux-guerres allemand. Toute l'organisation structurelle de l'époque, on la doit à lui, et même après-guerre. Je crois que c'est dans les années 70, un peu avant qu'il meure d'ailleurs, l'Occident s'est rendu compte du passé et du passif de ce personnage qui donc a traversé les régimes en influençant bien, y compris je veux dire, l'Allemagne d'après-guerre, quoi. Et au moment où ils ont découvert, bon, ils l'ont détruit, etc. Mais c'était trop tard, entre guillemets. C'est la meilleure méthode d'organisation possible. Tant qu'on peut déléguer les responsabilités, on le fait. Sinon, on le garde à l'échelon supérieur. Et donc, finalement, ça reste, même dans la société contemporaine. Alors, c'est ce qui fait dire aux gogols souverainistes que, je sais pas, l'Union européenne, le monde actuel est nazi ou des choses comme ça. C'est, après la guerre, certains Allemands qui représentent un certain niveau de savoir-faire, ont notamment été récupérés par les Américains, ont émigré aux États-Unis, et se sont servis de ce savoir-faire pour le bien de leur empire à eux. Et ça aurait été idiot de faire le contraire. D'ailleurs, Staline, lui, n'a pas pu, avec vu comment le communisme n'était pas très attrayant, on va dire. Il a vu ça filer sous ses yeux, et bon, d'ailleurs, il ne fallait pas qu'un Allemand tombe sous les yeux d'un Russe, d'un Slave ou quoi. Donc, c'est un autre contexte, mais voilà, il n'y a pas de nazisme après-guerre, c'est juste certains éléments fonctionnels, si tu n'en profites pas, tu vas rester à la ramasse, donc tu en profites. Du père Mathieu au Troisième Reich. Voilà, j'allais dire, c'est un plaisir de voir à quel point on bascule sur oui, notre sujet préféré. Bah, c'est vrai qu'il y a un lien, hein. Le lien c'est le triangle rose, hein. Le lien entre le Troisième Reich et le père Mathieu, c'est que le père Mathieu aurait eu un triangle rose et aurait l'occasion de manier la pioche dans un camp. On l'aurait mis dans une usine à caoutchouc. Hein. Non, mais il ne serait pas trop plein. Il y a quand même des piscines, un cinéma, un orchestre. Il y a de quoi s'occuper quand même. Hein. Il n'y a pas TikTok hein, là-bas, par contre. Ah ouais, ça, ouais, malheureusement. Mais bon, on nous a demandé sur Odyssée ce qu'on pensait du père Paul Adrien, qui est assez populaire sur YouTube. C'est Alizé qui demande ça sur Odyssée. Et je vais juste balancer un petit mot là-dessus, parce que donc le frère Paul Adrien, c'est un moderno. Hein. C'est un dominicain. C'est quelqu'un qui, de temps en temps, flirte un peu avec la branche un peu molle du tradistan, des ralliés, des trucs comme ça. Mais bon, il parle un peu de la messe tridentine, ça va, il n'est pas trop agressif. Hein. Et il passe pour quelqu'un de vite fait conservateur, mais alors vraiment vite fait, hein. Sur des sujets précis, alors qu'en fait, c'est un moderniste, pas possible. Et donc, il a fait une vidéo de réaction au départ du sacerdoce du père Mathieu, en disant qu'il regrettait cette décision, qu'il était triste. Je veux pas qu'il voie mes larmes. Il trouvait que c'était une mauvaise nouvelle. Il pensait que... Donc voilà, déjà, les masques tombent. Hein. Et il pensait aussi que le père Mathieu aurait pu être utile pour réformer l'Église de l'intérieur. Alors, réformer l'Église, si on veut, hein, c'est bien... faisant des réformes. Et très certainement, l'Église a besoin de réformes de temps en temps, il n'y a pas de problème. Alors, réformer sur quoi? Nous apporter encore plus de modernisme, plus d'homosexualisme, plus d'hérésie. Donc, c'est du délire. Et il a fini son intervention délirante par dire qu'il y avait quelque chose de Dieu dans le Père Mathieu. Donc voilà, les masques tombent, donc le frère Paul-Adrien, le pseudo-dominicain moderniste, je le suspectais déjà d'être un moderno, on va dire, extrêmement relativiste, comme tous les modernistes, et puis très très à gauche, bah, la confirmation est faite. Comment est-ce qu'on peut oser dire qu'il y a quelque chose de Dieu dans le Père Mathieu, alors que ce mec n'a fait que répandre l'hérésie pendant plusieurs années et de pousser les gens à tomber dans le péché. Voilà. C'est pas possible. Les masques sont tombés. Frère Paul-Adrien, non merci, au revoir. Oh, tu fais bien de faire tomber les masques un peu sur toutes ces personnalités émergentes, d'ailleurs, dont on n'entendait pas parler il y a encore, je sais pas, un an, quoi, ou alors beaucoup moins. Et d'ailleurs, il y a l'abbé Véron qu'on a découvert à l'occasion d'une controverse avec Mathieu Lavagna, qu'on a déjà cité, je crois, en la personne de Belloc, qui fait un peu d'apologétique, donc sur 6 points en tout, pour le moment seulement. Il lui a déjà répondu, puisqu'il invite un orthodoxe, il ne le contredit même pas sur ses hérésies sur la Vierge Marie. Il en traite sur un pied d'égalité, même le voile chrétien féminin, il ne veut pas le rendre obligatoire. Même des musulmans se moquent de lui à raison sur ce sujet, comme quoi eux-mêmes ont plus la tête à l'endroit que ce frère, entre guillemets. Et je crois même que ça va un peu plus loin, parce qu'en effet, il va nier des vérités révélées dans la Sainte Bible, la divinité de Jésus-Christ ou des choses comme ça. Hein. Donc ça part vraiment très loin. C'est du modernisme bien corsé. Pour le coup, même Mathieu Lavagna ne doit pas l'apprécier, c'est certain. Alors, raconter des bêtises, ça peut arriver à tout le monde. Hein. J'ai déjà dit un million de bêtises, j'imagine, dans ma vie. Le problème, c'est que là, on s'exprime sur des sujets qui sont graves. Il est dominicain, donc c'est des gens quand même qui sont des spécialistes quand même des questions, on va dire, des questions de logique, de théologie. C'est l'ordre Saint Thomas d'Aquin quand même. Ouais. C'est un ordre sérieux. Quand même. C'est l'ordre des prêcheurs. Donc c'est eux normalement qui prêchent la doctrine. D'ailleurs, à la fin de leur nom, on a toujours OP, donc c'est Ordo Praedicorum. C'est les prêcheurs, c'est ceux qui travaillent, comme tu l'as bien dit, Bobby. C'est ceux qui se vendent de théologie et d'enseigner aux gens, tout en ayant bien sûr la vie, une vie proche de celle d'un franciscain. Le fait qu'ils se plantent sur des questions un peu basiques, c'est terriblement inquiétant. Alors, ça se trouve, j'imagine que de son point de vue, soit il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est planté et ils ont diffusé la vidéo. Ce qui est embêtant quand même, c'est qu'en plus, il y a une équipe de monteurs qui travaille pour lui et qui, donc ils ont le temps de repérer quand même les bêtises ou alors lui poser des questions. Donc, si jamais il s'est planté et qu'il s'est rendu compte après coup qu'il y a une bêtise, ça peut arriver, hein, bien sûr. Bah, faut faire un petit correctif. C'est la moindre des choses. On parle quand même d'une hérésie, ça peut mener à l'enfer. Donc, faut le faire, ce correctif, c'est une obligation. Il n'y a jamais eu de correctif. Ou alors, soit de son point de vue, bah, en fait, c'est pas une erreur. Et puis, il admet comme ça une hérésie dans son discours parce que c'est ce qu'il pense, tout simplement. Donc, je veux dire, voilà, je veux insister là-dessus pour dire, c'est pas grave de se tromper si jamais on se corrige. Okay, ça peut être réparable. Mais là, c'est pas du tout de quoi on est en train de parler. Hein. Mais là aussi, on parle de vidéos qui sont vues par des milliers de personnes. C'est normalement, le but, c'est de toucher le plus de gens possible en faisant ces vidéos. Donc, en fait, en tant que catholique, on doit avoir des vraies controverses avec les schismatiques et les hérétiques, montrer leurs erreurs, les reprendre avec charité et pour l'édification du public. Mais là, si le frère, entre guillemets, Paul-Adrien, relativiste surtout, quel exemple ça donne, en fait quelle image de l'Église, en fait, il donne, tout moderniste qu'il est. Quand il dit reprendre avec charité, Belloc, il veut dire les traiter comme Balrog traite ses ennemis. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Ça fait partie de la charité aussi. Ça crée un plus grand bien d'empêcher les gens de faire du mal. Ouais. Je crois que c'est assez thomiste de raisonner comme ça. Je sais que c'est légendaire, c'est peut-être légendaire, mais il me semble que lors de la controverse avec Arius, lors de je ne sais plus s'il était évêque ou non, Arius, je crois qu'il était évêque, et son hérésie, comme quoi le Christ n'est pas la personne divine. Il me semble que dans je ne sais plus quel concile, là, faudra revoir ça a posteriori. Concile de Nicée, je pense, non ? C'était le concile de Nicée, peut-être. Ouais, c'était dans le IVe siècle. Oui, tu as sûrement raison, Ludwig. Mais ce qui paraît, Saint-Nicolas aurait mis une gifle en fait à Arius tellement il prononçait d'hérésie. Donc comme quoi ça peut aussi fonctionner. Par exemple, Luther, lui, n'a pas eu de baffe et il en aurait peut-être mérité quelques-unes. Non, d'ailleurs, regarde là, elle mouffe plus. Elle a eu sa baffe et maintenant elle est calmée. Oui, et en plus, l'Église, de par sa prudence, a mis 3 ans à le condamner officiellement à excommunier Luther. Il a commencé ses hérésies en 1517, à les publier, et je crois que sa bulle d'excommunication, c'est 1520. Mais voilà pour le postérieur du père Matthieu. On cite jamais son nom, c'est quoi, Jasseron, un truc comme ça. On rappelle brièvement que ce négationniste de la doctrine catholique est évidemment multicondamné d'avance dans ses dires prosodomites. Hein. Il y a rien qui témoigne pour lui dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui ne supprime pas en tout d'ailleurs l'Ancienne Alliance, notamment sur ces sujets-là. Le droit canon, enfin voilà, il est expédié sur la Lune par l'enseignement de l'Église catholique sur tous ses dires, donc il faut qu'il arrête. Heureusement qu'on a en effet la Beriout sur ses traitements un petit peu de l'actualité dissidente, hein, dès qu'il y a quelque chose qui se fait, qui se dit. Je ne sais pas s'il a déjà répondu à Laurent Guyonnaud ou ces types de récentistes. Ouais, il l'a fait, ouais. Ouais, le récentisme et tout ça, au point où Charlemagne n'a pas existé. Enfin, si Charlemagne n'a pas existé, c'est... Ouais. Je veux dire, l'Europe. Comme par hasard, c'est l'Occident chrétien qui n'a pas existé, tu vois. Ouais, enfin, c'est bizarre. C'est le plus intéressant est passé à la trappe. Merci. Bon, bah, j'ai plus envie d'être européen, quoi. Enfin, bref. Ouais. Voilà. 1500 ans d'histoire passée à l'as, quoi. La prétention de ces gens-là qui viennent comme ça effacer des centaines d'années, ça n'a pas existé. Tous les historiens se sont toujours trompés, et puis moi j'arrive, et en fait j'ai raison, et ouais. Ouais, c'est pas nouveau, hein, ça. Les gens qui croient que un peu leur période est née avec leur siècle, il y a un peu ce travers avec la Renaissance qui méprise la période médiévale, alors qu'en fait l'homme de la Renaissance est très médiéval par certains aspects, et même le Moyen-Âge annonce un peu la Renaissance, parce qu'il y a des premiers points qui finalement fleurissent. Et même les protestants, pareil, quoi. Non, non, l'Église, ça fait 1500 ans qu'elle a rien compris. Nous, on sait tout. Bon, c'est une prétention qui est incroyable. Hein. Les gens se disent, comme ça, ils vont se faire voir, quoi. Ils se font leur intéressant, ils ont des trucs à dire. Ils nient des trucs qui ont existé complètement objectifs et tout. Mais bon. Et puis là, c'est même, pour le récentiste, c'est presque 1000 ans, hein, des fois qu'on y fait. Oui, en fait, je voulais soulever un autre point là, par rapport à notre cher père Matthieu. C'est que par rapport à la sodomie, à l'homosexualité, Il dit oui, j'ai trouvé personne pour réfuter ce que je dis, je me base sur la Bible et tout. Mais en fait, quel orgueil pour dire une chose pareille, quoi. Je me souviens que dans sa vidéo là, de 45 minutes là, de développement personnel, il déblatère sur sa vie et sur son nombril. Eh bien, il dit à un moment que des saints ont osé, on a osé mettre des saints sur des bannières pour être plus fort que ceux d'en face et que. On a massacré des hérétiques, tu te rends compte? Vous vous rendez compte? C'est dingue, on a massacré des hérétiques. Mais par contre, les chrétiens, eux, les catholiques, ne se sont jamais fait massacrer. Hein, il n'y a pas eu de martyr. Donc il occulte vraiment tout cet aspect, en fait, pour valider son point, comme quoi, bon, il y a en gros, l'Église, le sacerdoce, les saints, bah, tout ça, bah, c'est... faut balancer tout ça à la poubelle, quoi. Et puis il faut soigner l'Église, comme il le dit lui-même, quoi. Avec ses 124 points de Katsugi, là. Encore une fois, le séminaire, il est ouvert, il n'est pas obligatoire. Pourquoi être entré au séminaire en pensant des choses pareilles? Ça n'a aucun sens. Ou alors il a fait une volte-face comme ça en l'espace de quelques mois. Ça n'a aussi aucun sens. Ouais, en fait, il s'explique un peu là-dessus. Pour lui, en fait, c'est comme tous les un peu les modernos, c'est le côté humanitaire, tu sais, vraiment de ah, oui, voilà, Ginette l'Église. Il pensait faire un... Bah, il dit que l'abbé Pierre est son modèle à un moment. Et quand on voit les écrits parfois de l'abbé Pierre sur la morale chrétienne, bah, c'est... On comprend un peu pourquoi c'est son modèle. Et c'est l'aspect vraiment purement humanitaire, purement aider les gens. C'est une ONG, quoi. Ouais, soulever des sacs de riz avec Bernard Kouchner. Et puis... c'est bien de s'occuper des pauvres et les nourrir, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de mal à ça, d'accord. Mais enfin, ce n'est pas la mission première de l'Église. Hein. La mission première de l'Église, c'est de sauver les âmes. Mais bon, il est en train de dire si Jésus a vraiment existé. Quand on part de là, sauver les âmes, j'imagine que ça ne lui parle pas trop. Il dit aussi à un moment que c'est le plus... Enfin, il se contredit, mais il dit que c'est le plus grand maître de spiritualité. rends compte. Un des plus grands, hein, c'est pas Dieu fait homme, non, c'est un des plus grands maîtres de spiritualité. Pour lui, c'est une sorte de gourou, quoi, en fait. Hein. C'est... Ouais, là, on est dans le... On vit dans le New Age, quoi. Un Bouddha plus, ouais. Pour Père Mathieu, pour ma part, je ne souhaite que sa conversion. Je prie pour lui par charité, donc espérons qu'il retourne dans la bonne voie, quand même. C'est vrai. Bon, il en donne pas trop les signes et pour l'instant, quand on travaille, mais on verra. Il a besoin de tenir une pioche un peu quand même. Hein. Ah oui, ça. On peut réfléchir avec une pioche à la main. Ça le réinsère dans la société. Avant de vouloir devenir prêtre, peut-être qu'il commence déjà par être catholique. Très bien, messieurs, je vous remercie d'avoir évoqué cette actualité avec moi. Je vous propose une petite pause musicale avec une musique faite maison, osée, originale, mais rigolote. Et on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite. Je veux bien plus de diaconat, mais je ne veux pas de femme prêtresse. Ces conneries peuvent faire chez moi, pour moi une femme ça se tient en laisse. Galvanisée par la faiblesse des maternaux, des hommes soja. Elle s'imagine servir la messe entre quelques cours de yoga. Les femmes se prêtent pour les détestes depuis le déclin des mâles alpha. Faites quand même gaffe à vos petites fesses, revoilà le patriarcat. Les talibans traitent les concesses comme on devrait le faire ici bas. Cher Oussama, plein de sagesse, que dirais-tu d'un concordat? Avant qu'une femme préside l'hôtel, faudra passer sur ma carcasse. Celles qui veulent test prendront une pelle. Dans le coin du pif, prends sa connasse. Le col romain n'est pas femelle. Pas de succube dans ma paroisse. Sauf si c'est pour faire ma vaisselle. Dehors, casse-toi, sale diaconasse. Je veux un curé pour les baptêmes. Pas d'une lesbienne comme un âne. Si j'envoie une touche et le synchrème, j'assors direct et j'sors une lame. Une femme curée, c'est un blasphème. Et ça mérite un coup d'atane. Si t'es une chieuse, sois anathème. Une femme curée, c'est une grosse vanne. Si tu veux être une bonne chrétienne, ne porte pas nos belles sous. Ma pénitence pour le carême, c'est de pas trop cogner madame. Mais pour résoudre tous ces problèmes, je m'inspire de Jean-Claude Van Damme. N'en déplaise à tous les golems, je m'inspire de Boko Haram. Avant qu'une femme préside l'hôtel, faudra passer sur ma carcasse. Celles qui veulent test prendront une pelle. Dans le coin du pif, prends sa connasse. Le col romain n'est pas femelle. Pas de succube dans ma paroisse. Sauf si c'est pour faire ma vaisselle. Dehors, casse-toi, sale diaconasse. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de votre émission préférée, Oremus, le podcast de novembre 2024. Et je crois que Rex voulait partager une petite actu du Tradistan. Vous savez que c'est devenu une sorte de chronique habituelle maintenant. Merci beaucoup, Rex, de prendre ton temps pour nous préparer ça. Et surtout, tu voulais partager, on va commencer par un sujet un peu décalé et rigolo. On a justement évoqué Mathieu Lavagna à deux reprises déjà dans son émission parce qu'il fait des vidéos d'apologétique plutôt de bonne qualité, je trouve. Et il a... c'est quelqu'un qui est dire... C'est un conservateur, on va dire, un peu mou, hein, c'est ça sa tendance. Et là, il a pété un plomb. Parce qu'en fait, Rex, tu as donné les détails, mais je crois qu'il a souhaité améliorer la messe de Paul VI. Il a dit, voilà, comment ça va se passer selon lui, ce qu'il faudrait faire, quoi. Ah oui, c'est une bonne idée, toi. T'as pas des idées pour améliorer la messe de Paul VI? Rajouter des petits frisbees, je sais pas. Ah ouais. La musique. Alors déjà, enlever les tam-tams africains. C'est Ludwig a déjà fait une messe moderne, peut-être. Ça peut lui donner des idées, lui aussi, pour améliorer la messe Paul VI. Oh non, sans façon. Je reste avec la bonne messe de 2000 ans. Merci. As-tu déjà assisté une fois à une messe moderniste, Ludwig? Alors, oui, mais bon, ça c'était en famille, mais bon, ma famille n'est pas vraiment pratiquante catholique, mais voilà, on assistait juste comme ça, parce que c'est un événement comme d'autres, mais voilà, pas plus. Quoi. Un petit film au cinéma, quoi, mais un film Paul VI. Voilà, exactement. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu tous les cas, mais c'est amusant. Chez les hommes, ça existe plus de basculer de tout ou rien. Chez les femmes, en général, c'est vraiment par l'éducation, et elles restent un peu dans leur cadre. J'ai déjà vu peut-être des femmes basculer, même un peu cédévacantistes, mais il faut au moins qu'elles soient un peu catholiques d'éducation. Il faut qu'il y ait une base minimale, j'ai remarqué. Chez les hommes, par contre, ça peut partir de rien ou tout. Donc, venons-en à notre Mathieu Lavagna. Donc c'est un conciliaire conservateur. J'avais vu l'une de ses toutes premières vidéos et je me disais, c'est quoi ce puceau ? Entre-temps, je trouve qu'il s'est bonifié très vite. Qu'est-ce que c'est que cette attaque, Alex ? Ça sort d'où, là ? Enfin, oui, il y avait un petit côté, tu sais, pas isozote, tu vois, mais il buguait un peu, il manquait de confiance, etc. Et très vite... Il n'y a pas de honte à être puceau. J'ai 40 ans, j'ai des enfants, je ne suis pas concerné par la question, mais je veux dire... Un homme vierge, ça peut être c'est de qualité aussi, hein. Il y a pas de, c'est pas grave. Hein. Oui, tu fais bien de me rattraper et de me corriger, c'est vrai. Mais je voulais signifier par là son côté sorti du cocon, un peu hésitant. Et finalement, il s'est bonifié très vite, ce qui fait que aujourd'hui, même, je trouve qu'il a de solides connaissances, forcément solides connaissances qui mélangent enseignement de l'Église avant Vatican II. Pendant, après aussi, donc là est tout le problème. Et aussi, il présente bien, donc c'est un petit côté attrayant, etc. Je pense que ça le rend d'autant plus dangereux pour nous qui défendons une ligne traditionnaliste, disons. Là où il a un état d'esprit qui nous ressemble beaucoup, en effet, c'est que les conciliaires conservateurs croient vraiment en la foi catholique. Il pense qu'il n'y a pas de salut par là, même l'abbé Pagès, qui pourtant dépend de Rome, dès que Bergoglio fait une sortie œcuménique, il émet une critique un petit peu comme les Lefebvristes à corriger son pape en quelque sorte, et à lui dire non, en fait, on ne se sauve pas dans n'importe quelle religion, mais que dans la religion catholique, puisque le Christ dit je suis la voie, le chemin, la vérité, la vie, etc. Enfin, je ne vais pas faire toute une argumentation, mais voilà, là, il y a cet aspect donc, de revoir la messe Paul VI, de l'améliorer de la part de Mathieu Lavagna, et c'est là où une personne qui paraît très bien et érudit paraît d'un seul coup un peu nulle. Alors, qu'est-ce qui fait que ça le descende autant que cela de niveau ? Parce que si on l'écoute sur un sujet d'apologétique, on n'a pas affaire là au frère Paul Adrien, père Mathieu, machin, c'est quand même autre chose. En apologétique, sur l'histoire de la foi, l'historicité de Jésus, des choses comme ça, il va trouver des arguments, même nous, on n'y pense pas forcément. Donc là, voilà, il y croit vraiment, il arrive à défendre la foi à sa manière. C'est autrement plus problématique avec les deux autres suscités, si j'ose dire. Et là, en fait, je pense qu'il le rend un petit peu faiblichon, c'est justement cette collégialité, la démocratisation voulue par Vatican II. Parce qu'on est clairement là. Si on considère Paul VI comme pape, c'est l'équivalent de Saint-Pierre. On ne peut pas aller voir Saint-Pierre. Gugus, ta messe, elle n'est pas trop mal, hein. Mais je vais la booster. C'est un peu comme Pfizer, quoi. C'est un booster. Je vais lui mettre un booster à ta messe. Elle sera 100 fois mieux. Donc, comme c'est dit, c'est très mauvais. Maintenant, tout ce qu'il propose, c'est là où c'est intéressant, il est un peu à l'extrême droite du Concile Vatican II, c'est qu'il propose tout ce que les traditionalistes ont gardé, en fait. Il dit même, je préfère la messe traditionnelle, en latin, le rite tridentin. Il le défend, alors que Bergoglio le déteste. Il dit même qu'il ne va qu'à ses messes, non ? Il dit qu'il va parfois aux messes Paul VI, mais... C'est plutôt ça, ouais. C'est genre, j'y vais rarement, ouais, à la messe Paul VI. Enfin, hors rite tridentin, disons. C'est assez révélateur, hein, quand même. Il dit, voilà, pour améliorer la messe Paul VI, je cite littéralement, en fait, c'est la messe de Saint-Pie-V, quoi, c'est ce que nous, on défend. Il faut croire en la présence réelle, pratiquer le jeûne eucharistique avant d'aller communier, aller en confession régulièrement et ne pas aller communier si on est en état de péché mortel, communier à genoux et ne pas communier dans la main, donc il critique cet aspect. Également centrer la messe sur le prêtre consécrateur, donc là il y a un petit peu un antidémocratisme, là pour le coup c'est pas le prêtre vers l'assemblée, mais on recentre finalement sur le rôle du prêtre, ce qui est tout à fait traditionnaliste, sauf que Vatican II a mis à mal tout cela, a détruit un à un chacun des rites petit à petit, et également même ce qui va avec l'éloge du chant grégorien, des chants en latin et tout ça. Donc on est d'accord avec lui, sauf que le problème, c'est qu'il le défend dans un cadre Paul VI, et qu'en tant que simple fidèle, il exhorte un peu à exercer une petite pression populaire, que chacun des fidèles ait sa petite idée de revenir à des choses plus traditionnelles pour que le rite ordinaire de Vatican II soit un peu plus potable. Et donc un petit peu comme Bobby, il a dit éviter les tam-tam, voilà, les choses comme ça. Donc on est d'accord avec lui, mais le côté de booster la messe, enfin, je sais pas, je ne vais pas voir un prêtre. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi ? Ouais, je ne vais pas voir un prêtre traditionnaliste en lui disant « Alors, je vais améliorer la messe de Saint-Pie-V, Bobby. » Moi, je trouve qu'elle n'est pas... voilà, on n'est pas loin. Enfin, tu me dis comme ça, c'est choquant. Hein, limite, c'est, on n'est pas loin de... Ah, c'est quoi une hérésie en blasphème, un truc. Enfin, c'est, ça sent mauvais. Hein, c'est très mauvais. Dit comme ça, c'est vraiment très mauvais. Même si c'est tout ce qu'il propose... Bah, c'est pas possible. C'est même, même s'il a des bonnes idées, rien que dans l'action, l'initiative, bah, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Non, mais t'imagines, tu vas voir un prêtre, tu commences comme ça, ta phrase, tu te fais jeter dehors, quoi, puis normal, quoi. Ah, c'est là où je te dis, il paraît très bien sur d'autres sujets, et là, on fait « Oh, il y a un problème », quoi. C'est rien que le titre, je me suis dit « Oula, MDR, ça va mal partir, l'apôtre Paul confirme Pierre, alors que c'est l'inverse, c'est Pierre qui doit confirmer Paul, on va pas dire « Voilà, un prêtre, je vais améliorer ta messe, en plus pour des... » C'est vrai qu'on pourrait le répéter et rigoler, quoi, parce que tellement c'est mortel. Ouais, non, c'est, en plus, c'est pas vraiment une amélioration de messe, quoi. C'est presque, vous dites aux gens de se comporter bien, c'est limite, je pourrais presque dire, et ça serait recevable, allez, les enfants pleurent un peu trop, les mères réagissent peut-être pas toujours à temps, essayez de confectionner une salle à côté où elles pourraient... s'en occuper et les éloigner au moment du sermon, que les vieilles personnes puissent entendre le sermon, parce qu'il y a trop de bébés qui pleurent, enfin... Mais voilà, on n'appelle pas ça améliorer la messe en tant que telle, quoi. C'est, je veux dire, c'est une idée banale. Mais bon, voilà, c'est aussi ce que provoque Vatican II via son enseignement, quoi. Chaque fidèle amène un petit peu de son démocratisme. Et en cela, il écoute pas mal, finalement, la dynamique bergolienne dont les Ouailles ont essayé, vous savez, cette messe écolo-globaliste. Alors, bizarrement, elle est appelée amazonienne, évidemment, c'est en référence à tout leur schmilblick synode et machin. Bizarrement, elle a été faite au Mexique, d'ailleurs, le laboratoire expérimental. Là, je dis bizarrement, parce que, bon, si c'est amazonien, on pourrait dire que c'est les Brésiliens, peut-être, qui emboîtent le pas, mais non. Et donc, voilà, c'est... Là, c'est carrément, je dirais pas entre les murs de Rome, mais voilà, les délégations qui dépendent de diocèses, etc., au Mexique, font carrément des choses comme ça. Donc là, je veux dire, c'est même plus le rite tridentin, le rite Paul VI, c'est on va commencer à rajouter des trucs un peu de spiritualité extérieure, New Age, païenne, sud-américaine, voilà, d'avant la conversion au christianisme. Pour faire un espèce de truc humaniste abstrait, hein, tout simplement. Enfin voilà, on réunit tout le globe terrestre en incorporant dans le rite des trucs qui n'ont rien à voir avec l'Église catholique, quoi. Toujours avec, vous savez, ce petit pas de côté à chaque fois pour dire, alors si jamais le rite est modifié, ça sera peut-être un peu obligatoire, oui, mais en fait non, mais pas trop, un peu quand même, seulement pour certains pays ou pas. Voilà, c'est un schmilblick, une usine à gaz. Comme toujours chez les modernistes, tout ça est très, très, très confus. On ne sait pas trop de quoi il en retourne. On ne sait pas du tout les modalités. Enfin, c'est vraiment, c'est fait exprès pour perdre les gens. Hein. C'est pour suivre le fil là-dessus, faut être un théologien puissance 1000. Hein. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Alors qu'une qualité, pas que, mais une des qualités de la messe traditionnelle, la messe tridentine, c'est que, déjà, vous n'avez pas à vous soucier de la langue. Peu importe où vous allez dans le monde, vous pouvez suivre la messe. Bon, bien sûr, vous ne comprendrez pas le serment dans la langue locale, d'accord? Donc cette petite partie, ok, je la mets de côté. Mais sinon, vous comprenez la messe. Et vous pouvez faire un petit bond en arrière de quelques centaines d'années, vous auriez eu la même messe. Vous auriez la même messe. Donc il y a une continuité, il y a une universalité. On va dire un côté pratique, et ben tout ça se tient. Il n'y a pas d'évolution comme ça, délirante du jour au lendemain. Il peut y avoir des petits ajustements qui se sont faits au cours de l'histoire, des petites réformes, etc. Mais ça ne changeait pas grand-chose dans la trame globale. Alors que chez les modernistes, tout est confus, quoi. On change tout, puis on change même aussi des éléments. Ça aussi, c'est très confus. Les éléments qui sont placés au début, mais maintenant deviennent être à la fin. Vous savez, dans la construction de la nouvelle messe, lorsqu'il y a eu les discussions, bien sûr, les gens n'étaient pas d'accord, et puis Mgr Lefebvre avait pointé du doigt le fait que on voulait raccourcir des parties, allonger d'autres parties, les mélanger un peu à droite, à gauche, on les met avant ceci, avant cela, et il a commencé à dire « Attendez, mais là, ce que vous proposez, on ne sait même pas trop en fait ce que vous proposez, c'est tout ça est très confus, est-ce que vous pouvez au moins proposer un plan de votre fameuse nouvelle messe. Et la réponse qui était donnée à Mgr Lefebvre, c'était « Oh, mais on laissera la liberté aux gens de faire comme ils veulent, selon, etc. etc. » Donc, en fait, ça n'a aucun sens. Non, je voulais justement, par rapport à la forme de la messe, on l'appelle donc Saint-Pie-V, parce que donc, c'est le Saint-Pape qui a définitivement gravé dans le marbre la forme latine, la forme de la messe latine pour l'Église latine, avec évidemment... Enfin, c'est dans sa bulle « Quo primum tempore » 1570, où il définit de manière ferme et définitive la forme en fait, de la messe dans l'Église latine. Évidemment, il parle des exceptions qu'il y a dans certaines traditions, voilà, il y a certaines conditions qu'il précise, mais il dit bien que personne ne puisse déroger à cette page qui exprime notre permission, notre décision, etc. Et si quelqu'un se permettait une telle altération, donc de vouloir changer la messe, qu'il sache qu'il encourrait l'indignation de Dieu Tout-Puissant et de ses bienheureux apôtres, Pierre et Paul. Et en fait, c'est une bulle, donc c'est un texte court donc d'autorité, donc qui est 100% infaillible. Hein. Et donc en fait, même, je veux dire, même dans la tradition, nous-mêmes, enfin, je veux dire, on ne peut rien modifier. De toute façon, les fidèles, même les évêques, ne peuvent rien modifier sans l'aval du Saint-Père. Et donc tout Monsieur Lavagna qui veut, enfin, dans ce cas-là, enfin, je comprends pas trop sa démarche de vouloir latiniser finalement la messe Paul VI. Enfin, il y a un peu une, enfin, je sais pas, c'est, on est un peu entre deux chaises. On est autant aller pleinement à la messe latine. Et ne pas vouloir citer cette bulle en disant que la messe possible, de toute façon, déjà est complètement hors des clous. Déjà, Vatican II, en proclamant cette messe, a complètement, complètement bafoué l'enseignement de leurs prédécesseurs, et de Saint-Pie V, qui a lui-même défini la forme définitive de la messe latine. Les fidèles n'ont aucune prétention, normalement, à changer quoi que ce soit. Vox populi ou non. Ils n'ont pas du tout voix au chapitre, ni même d'ailleurs les évêques. Donc je ne sais pas, c'est l'esprit Vatican II, comme a dit Rex, c'est un peu la démocratie, c'est l'esprit synodal, c'est toujours un peu la masse qui décide, quoi. C'est un peu la démocratie dans l'Église. Quoi. Voilà, on voit où ça mène, quoi. Ça crée de la confusion, on ne sait plus où est la vérité. Alors que pourtant, c'est ce qui est fou, c'est que l'enseignement des papes, il se veut clair, il éclaircit toujours des points difficiles. Il simplifie les choses pour les fidèles, et quand on voit dans l'histoire de l'Église tous les textes, c'est ça en permanence. Le but, c'est de ne pas que ce soit compliqué pour les fidèles, qu'ils sachent où aller, à qui obéir, et c'est simple, ça doit être simple. Un fidèle, il ne doit pas être un intellectuel qui dira « moi j'ai envie de changer ci, j'ai envie de changer ça ». Non, et... Ce que tu dis est bien... Je suis désolé, je préfère faire cette petite précision maintenant, et je m'en excuse d'avance de te couper la parole, Rex, et de faire une petite... correction fraternelle Belloc, mais les bulles papales ne sont pas toutes obligatoirement infaillibles, ne serait-ce que parce que les bulles papales peuvent parler d'autre chose que de la foi et des mœurs, mais c'est pas que la raison. Mais bon, ça veut pas dire qu'une bulle papale, ça vaut rien du tout et on peut l'acheter à la poubelle, hein. C'est quand même une grande autorité. Je voulais juste permettre cette petite précision, excusez-moi. Tu as raison, mais elle coule pas. Dans ce que disait Belloc, il y a aussi l'art gothique, c'est vrai qu'il s'adresse beaucoup à nous, puisque... C'est un sort de, dans les vitraux, notamment des églises, à l'arrivée du gothique, c'est un peu un catéchisme qu'on a. Ça s'adresse aux fidèles d'une certaine façon, puisqu'on a tous les épisodes à chaque fois de la vie de l'Évangile qui est retracé. C'est cette petite nouveauté qui est assez intéressante et on va dire une bonne démocratisation, pas celle de la collégialité Vatican II qui décentralisait un petit peu les évêques contre le pape, qui sont de moins en moins des évêques. Au fur et à mesure que les rites d'ordination changent. Et avec la synodalité bergolienne, j'ai l'impression que c'est encore plus, on descend encore plus bas. C'est presque le laïc qui va faire son truc. Alors chaque fidèle influence, il influence sa messe. Mathieu Lavagna dans un sens un peu conservatisme. Et si vous êtes un fidèle un peu plus progressiste, eh ben, qu'est-ce qui vous empêcherait de dire non, moi je veux des tam-tams et je ne suis pas d'accord avec Lavagna? Bah rien, voilà, il n'y aura rien pour trancher si ce n'est un groupe de fidèles contre un autre, et ça n'a plus aucun sens, et ça propage la confusion, comme disait Bobby, et la confusion c'est proprement satanique. Si les choses sont claires entre des modernistes tarés et des bons traditionalistes, c'est beaucoup mieux que 500 variantes dans le Tradiland plus modernisto, semi-conservateur, qu'on ne sait pas trop quoi. Donc quand Ratzinger, Benoît XVI, un peu rétablit l'ancien rite en disant « il y a le rite ordinaire et extraordinaire, celui qui est normalement ordinaire est devenu extraordinaire, c'est le rite tridentin latin », là aussi ça implique une confusion, même si ça aurait été un genre de bon acte de la part d'un vrai pape, comme on pourrait se l'imaginer, mais bon, là ça n'est pas le cas dans le cadre de Vatican II. Et voilà, là c'est la messe et son joujou. La messe Paul VI, c'est le joujou avec lequel tu fais un petit peu ce que tu veux, quoi. Et en outre, Lavagna, il va vous citer le Concile de Trente et des choses comme ça. Enfin, c'est une fois sur deux, je l'applaudis et après, non. Toujours, j'enchaîne, un deuxième sujet, on va dire, dans l'actualité du Tradistan, la revue de presse du Tradistan de Rex. Et on est toujours dans la confusion avec un truc qui ça me rend dingue. Je deviens fou, j'en fais vraiment des cauchemars. Hein. On pense vraiment que les modernistes ont tout fait comme bêtise et qu'ils arriveraient plus à aller au-delà, et à chaque fois, tous les mois, on découvre quelque chose de nouveau. Saviez-vous, messieurs, que le Talmud entre officiellement dans le magistère de Vatican II? Est-ce que Rex, tu peux nous résumer ça, s'il te plaît, cette dinguerie? C'est Nostra Aetate, puissance Super Saiyan. Maintenant, on va toujours plus loin dans le truc, quoi. Donc forcément, il y avait des textes un petit peu qui lâchent du lest, on va dire, sur la question juive, de dire attention, dans l'enseignement de l'Église, des fois on se trompe presque, parce qu'on dit les juifs ont fait ceci, c'est une essentialisation. Il serait plus juste de dire certains juifs et d'autres non, mais ceux qui ne l'ont pas fait, ce sont les juifs qui se sont convertis. même Vatican II n'ose pas mentionner ça, donc c'est un petit peu embêtant. Donc là, voilà, le Talmud est magistériel, selon Vatican II. C'est vrai que c'est une première mondiale, hein, fallait oser, parce qu'il y a quand même... Pour le coup, c'est un document post-chrétien, le Talmud. Ce sont des rabbins réfugiés qui le rédigent, en Babylonie, ici ou là, etc. Donc, c'est post-chrétien, et donc, ils ont vu le christianisme, ils y sont hostiles, et donc, c'est un document même anti-chrétien. Et là, dans cette donc, quatrième, entre guillemets, encyclique, hein, je vais appeler ça un document, hein, c'est dénué de toute légitimité, ainsi que de possible. Un papier. Bon, aujourd'hui, c'est consultable numériquement, mais bon, voilà, c'est un article, voilà. Insipide au possible, qui plus est. Humaniste abstrait, bon, on est complètement là-dedans. Je veux dire, en une trentaine de points, il ne parle que de ça, alors que l'encyclique est censée être sur le Sacré-Cœur de Jésus. Alors, je crois que c'est le point numéro 31, quoi. Si on parle un peu de religion, c'est ça. On pourrait dire qu'il garde le meilleur pour la fin, mais bon, je pense que ça faudrait plutôt. Il y a un mec, il a donné un coup de coude. Il a fait, au fait, t'es pas censé parler un peu de religion au départ? Ah ouais, attends, je rajoute. Ah ouais, ce fameux... Oh, tiens, vas-y, je rajoute le Talmud. Tiens, on m'a demandé de parler de religion. Eh ben, l'a fait. Il a rajouté le Talmud. Mais moi je me demande vraiment, genre, parce que là il a vraiment introduit le Talmud dans le magistère, mais ça veut dire qu'il a sûrement lu vraiment la totalité ou une grande partie de tous ces écrits talmudiques, et notamment je me demande s'il a vraiment lu par exemple tous ces passages où on traite le Christ qui est en train de en enfer dans des excréments ou je ne sais quoi. Si vraiment il a lu ça et qu'il a quand même dit « Ah ben non, ces écrits, ça a de la valeur. » Voici ce qu'ils disent sur Jésus dans le Talmud. Il y a des sections là-dedans sur Jésus. En fait, il y a un livre entier qui a été écrit par le directeur des études judaïques à l'université de Princeton, Dr. Schaeffer, un juif. Il a écrit un livre, « Jésus dans le Talmud ». Selon le Talmud, Jésus était un produit de l'adultère. Le fils bâtard de Marie est un soldat romain du nom de Pantera. Il passa le début de sa vie en Égypte, où il apprit la magie noire, l'idolâtrie et la sorcellerie. Bah forcément, il cite un truc un peu anodin sur l'humanité, je ne sais pas quoi. Donc la source est Misna Stuka, voilà, du Talmud. Donc un peu intégré dans les notes de référence. Donc c'est dans toutes les notes de bas de page qui sont assez nombreuses. Il y a 500 pages de Talmud. Il a trouvé une page où ça va, on dit « faut être gentil ». Ah bah tiens, c'est bon là. Voilà. Entre les deux insultes sur le Christ, là, tu me prends ça, tu me mets dans le document, là. Fais un petit copier-coller, ouais, c'est bien. Merci, Moshé. Il a dit, faut être gentil entre juifs. Il ah oui, mais la phrase. Oh. On fait une citation, hein. C'est contextuel, d'accord, bon. Ah oui, voilà, on nommait tout le contexte derrière, et voilà, ça passe crème, hein. On voit que du feu. D'ailleurs, quand vous comparez les documents, comme dit notre cher Rex... C'est-à-dire qu'il y a trois jours, là, vous auriez lu le papier, là, le papier de merde. C'est un papier de merde, là. Avec toutes les encycliques des papes, par exemple, je cite celle de Léon XIII, qui sont des chefs-d'œuvre même de littérature. Hein. C'est vraiment des textes magnifiques. Il a en plus beaucoup publié d'encycliques qui sont, voilà, que je recommande sur l'enseignement de la scolastique, sur Marie, sur notre bien-aimée mère du ciel. Et ce sont des chefs-d'œuvre de littérature, et quand vous regardez les notes de bas de page, c'est uniquement, quasiment uniquement, la Sainte Écriture qui est citée tout le temps. Les pères aussi, les saints-pères de l'Église, mais c'est surtout la Sainte Écriture. Ce n'est pas le Talmud de Bergoglio. Et d'ailleurs, dans un Maurice Laetitia, dans une de ses précédents documents, qui avait valu d'ailleurs les doubias de ces évêques, et même de Monseigneur Fellet, d'ailleurs, à l'époque. Je l'avais un peu parcouru, mais en fait, c'est des textes qui sont déjà beaucoup trop longs, c'est du verbiage moderniste. Voilà, à un moment, on finit par oublier le sujet, hein, comme a dit Bobby au début. Et en fait, ces références, vous voyez, c'est que des références profanes, beaucoup de choses qui ne sont non chrétiennes, voire même des textes de philosophes, musulmans, enfin, je dis peut-être des âneries, mais... C'est des. Enfin, quoi, vous voyez des philosophes musulmans, ça existe, ça? Non, non. Non, c'est non, possible, en fait, ça existe. Oui, enfin, il y a eu des grands. Si tu veux, il y a eu des penseurs qui étaient. Enfin, comme Averroès. Des penseurs arabes, plutôt, ou tu fais écrire orientaux, quoi. Enfin, qui étaient inspirés par les écrits des Grecs, par Aristote, etc. Mais pas spécifiquement musulmans, quoi. Plutôt orientaux, arabes. Les gens n'ont plein de cul des arabes! Mais c'est pas ces textes-là qui citent, c'est des choses très contemporaines. En plus, c'est vraiment pas des choses qui se fondent sur la tradition. C'est vraiment du, enfin, on dirait du développement personnel, quoi. Et surtout, c'est des pages et des pages, quoi. Tu as une pléthore d'encycliques qui une petite dizaine de pages, qui sont d'une richesse incroyable. Et les trucs des modernos, c'est toujours une centaine de pages de verbiage où tu comprends rien. C'est du l'humanitarisme béat, quoi. Et voilà, donc je recommande les textes de Léon XIII, hein. C'est quand même d'un autre niveau. Hein. Bah, de toute façon, jusqu'à Pie XII, on constate la différence. Et ouais, pour l'aspect littéraire de Léon XIII, ça c'est incontestable. Ouais. Je pense qu'il avait la Divine Comédie sur sa table de chevet. Je ne devrais peut-être pas le mentionner vis-à-vis des conspies, parce que... Ils vont dire que c'est gnostique ou quelque chose comme ça, mais bon, comme quoi il avait pu se nourrir de ce type de littérature. Et donc, ce papier, hein, nous disons, de Bergoglio, est sous-titré Il nous a aimés. Ça aussi, c'est un classique Vatican II. Là aussi, on ne peut pas lui reprocher d'être, on va dire, assez traditionnel d'un point de vue Vatican II. Hein. En fait, il ne parle pas du Christ roi des nations à aucun moment, quoi. Il parle juste de, comme a dit Bella, quoi, c'est individu, humanisme béat, on est tous les mêmes. Jésus, il rayonne partout, t'inquiète, même si tu ne fais pas attention. Et on centre tout prétendument sur l'amour, ce qui est en fait ne pas centré sur l'amour. Du coup, on le détruit quand on prend toute l'harmonie de l'ordre naturel et détruit lorsqu'on ne prend pas en compte tout. Le tout, il y a la pénitence, la véracité, la justice, enfin tous ces thèmes dont il faut faire attention, quoi. Donc par rapport à cet humanisme débile, le seul humanisme acceptable est celui qui est organique, c'est-à-dire thomiste, où on traite de l'ordre naturel tel qu'il est réellement. Et il est bon de le faire pour éviter également tout surnaturalisme, car sur une nature saine se greffe une foi saine. On ne va pas le répéter mille et une fois après Joseph Merel et d'autres, mais voilà, c'est important à rappeler. Là, en fait, ce texte a été pondu par un Bergoglio et son entourage. Il aurait pu être écrit par un franc-maçon du 19e siècle pour les trois quarts du contenu. C'est pas le cas. Pourvu. Ça n'a pas été écrit par un franc-maçon, d'accord. Excusez-moi, je... Oui, bah, pourvu que ce maçon n'était pas un antichrétien pur et dur. Vous savez qu'il y a, en France, par exemple, entre le Grand Orient et la Grande Loge nationale de France, les premiers sont laïcistes durs, les seconds sont laïcistes œcuméniques. Donc toutes les religions ont droit à l'expression, etc. C'est typiquement le discours Vatican II. Bah voilà, c'est... Ça fait texte de la Grande Loge nationale de France, un peu comme avec le Père Mathieu, et comme le dit Belloc, voilà, c'est bullshit, torrent de boue, verbiage moderniste, on comprend rien, c'est trop long pour ce qui se présente comme une encyclique, etc. Et, mais voilà, il est en sixième vitesse et il accélère un petit peu, même, je vais citer Nostra Aetate, un des documents produits par Vatican II, mais également la déclaration de Wojtyla Jean-Paul II. Quand à Rome, il visite la synagogue en 1986, il parle des juifs comme nos frères aînés dans la foi. Et ça fait presque, ce sont des grands frères plus légitimes que nous qui vont nous enseigner, alors que, en fait, les anciens juifs, en ne suivant pas le message du Christ, trahit y compris l'ancienne alliance, puisque l'ancienne doit se fondre dans la nouvelle, et qui, elle, est plus universelle. Mais voilà, c'est pour faire un petit peu... l'antisémitisme facile, comme ça retirait la particularité tribale aux juifs et que ça n'était pas un empire israélien temporel qui allait être rétabli, ils ont été déçus, ils ont haï et ils l'ont rejeté, quoi, en majorité, on va dire. Ah oui, c'est pour eux, ça, le côté, attendez, faut une égalité quand même, c'est-à-dire qu'on... Attends, non, moi je suis le peuple élu, je suis supérieur, ah oui. Il s'attendait à un nouveau roi David, en fait. Et... Toutes les religions se valent, mais bon, toutes les religions sont égales, mais le judaïsme est un peu plus égal que les autres. Ouais. Mais en fait, il y a une confusion volontaire entre le judaïsme d'ancienne alliance et puis le judaïsme rabbinique, en fait. Il y a une confusion, enfin, pour des gens, enfin, de niveau de Wojtyla Jean-Paul II, hein, qui est loin d'être un imbécile. Hein, ou même de Benoît XVI, qui lui était théologien, donc Ratzinger, et il y a une confusion volontaire, enfin je sais pas pourquoi ils font exprès, enfin des gens qui ont rejeté le Christ ne sont pas nos frères aînés. Moi je veux bien que le roi David, que les prophètes et tout soient nos ancêtres dans la foi, ça oui, bien sûr, mais nos ancêtres dans la foi, c'est pas Sabbatai Tsevi, et tous les rabbins de je sais pas où là. Donc, Mais c'est pas Nouna, quoi. Voilà, c'est ça. Mais Benoît XVI, pour rebondir, comme dit Belloc, ouais, il était plus formé que la majorité des tradis, hein, donc ce qui le rend plus coupable, parce que il a quand même cité ce cardinal qui disait par certains aspects, Vatican II incarne vraiment un contre syllabus du pape Pie IX. Donc quand on se rend compte de ça, normalement, c'est... voilà, faut faire machine arrière. Donc oui, Bobby, tu disais lors de la dernière émission que les petites revues de presse, tu trouvais ça assez sympathique. Alors on va en dénicher un petit dernier avant de passer au dernier sujet. Monseigneur Roux. Monseigneur, alors peut-être là, entre les modernos et le traditionalisme, mais on va quand même garder les guillemets dans le doute. Donc... un camarade comme ça, peut-être assez peu renseigné, m'envoie l'intervention en disant « Tiens, c'est pas mal ». Alors, il fait une comparaison entre pape François et François d'Assise. Donc, ça est parti de là-dessus. Et je me rends compte que c'est un curieux personnage qui a un parcours qui n'est pas celui qu'il dit être ou qu'il dit ou qui change. Voilà. Il y a même un moment donné, il prétendait avoir été sacré par Monseigneur Tuc. Ça, c'est un classique, hein, de ceux qui n'ont pas été. Ils vont sortir du bois et s'inventer une petite lignée assez sympathique, bon, quoique très critiquée également, cela n'empêche pas. Et ouais, du coup, il fait un petit parallèle bizarre entre les deux François, de dire l'Église à l'époque de François d'Assise et l'Église à l'époque de Bergoglio, en faisant un parallèle comme si c'était un petit peu la même chose, la même nature. Genre, je pense qu'il entendait par là des problèmes peut-être moraux ou des petites choses comme ça, comportementales, de la part de Claire ou quoi, mais... ou un petit côté richissime, une critique protestante, mais ça n'a aucune grande valeur. Et en fait, il a changé son discours avec le temps, d'ailleurs, je pense un peu pour coller, attirer à lui un peu de monde. Il est un peu dans la dissidence Il peut avoir un discours un peu soralien des fois, et sinon même lefévriste, bien qu'il parle de Monseigneur Tuc ou des choses comme ça. Donc vous avez des cas très bizarres, il y a toute une chaîne YouTube avec des tonnes de vidéos où il entretient cette confusion. Mais là, pour le coup, c'est pas comme le Mexicain, Monseigneur De Villa, je crois que j'en avais parlé le mois dernier. Lui est encore un cas à part, mais il vient vraiment du giron romain et il s'est rapproché brièvement de Monseigneur Pivarunas. Là, on est vraiment face à un cas particulier qui a un parcours d'escroc, qui a menti une multiple fois. Tu vois des posts Facebook où il fait des demandes d'appel aux dons à des princes moyen-orientaux, je ne sais plus exactement le pays, est-ce que c'était Dubaï ou Saoudien ou quoi. Donc ça sent très mauvais, en plus ça a des relents de traditionalisme, hein. Il a l'air vraiment d'être bien orné, de faire des messes traditionnelles, je n'ai pas regardé en grand détail, et je ne sais pas s'il filme tout ça, mais voilà, dans les genres de cas, méfiez-vous, également de tout ce qui peut vous être présenté comme traditionnel. Lui, il faut vraiment se tenir à l'écart, éviter de regarder ses interventions qui, sur le fond, ne sont pas très intéressantes et son parcours est dangereux. Vous avez des cas, je disais, il y a une bonne dynamique et c'est intéressant de voir des conciliaires basculer. Il y a le Monseigneur Vigano, les sœurs Clarisse, toutes ces choses dont on a parlé précédemment. Il y a eu l'abbé Proux aussi, ça remonte à peut-être 8-9 mois. Un prêtre conciliaire bascule, il se fait réordonner par Mgr Williamson en tenant un discours cédévacantiste. Il y a une relative acceptation de la part de Mgr Williamson qui pourtant ne le professe pas. L'un de ses évêques, Mgr Williamson, polonais, je suis très nul en langue polonaise donc je ne prononcerai pas le nom, et aussi de constat cédévacantiste, ce qui est assez rare mais ça existe. Et donc l'abbé Proux dit que c'est notamment des interventions d'Adrien Bozit qui l'ont fait basculer, et le réseau un peu l'abbé Lafitte, le frère de l'abbé Lafitte qui est moine, je crois. Donc là, vous avez quand même un cas plus intéressant, quand même plus sérieux. Là, c'est vraiment catholique, il n'y a pas des histoires de manipulation bizarre, où il y a même des escroqueries de cas immobiliers ou des petites choses comme ça, quoi. Donc bon, je sais pas les gars si vous êtes un peu au courant de ça, si vous avez entendu parler, mais je pense que vous penserez un peu comme moi que c'est un peu douteux tout ça. Très bien messieurs, je propose de passer au quatrième et dernier sujet, on va dire un sujet conséquent, qui a un fond de sérieux, mais on va se lâcher un peu, parce qu'on est obligé, Vous avez écouté notre pause musicale, j'espère que vous avez bien rigolé, et ben maintenant on va vous montrer que en fait tout ça a un fond de réalité, malheureusement. Je vais citer le site ripostecatholique.fr qui nous parle des simulacres d'ordination à Rome. Alors, lorsque je parle d'ordination et d'évêque, quand je vais citer l'article, donc de femmes ordonnées et d'évêques femmes, vous avez bien sûr compris qu'il faut mettre des guillemets à chaque fois un peu partout, tout ça n'a aucun sens, c'est pas catholique du tout. Je lis un petit bout de l'article. Sur une péniche amarrée à un quai du Tibre à Rome, des femmes, vêtues d'une aube blanche assortie d'une étole rouge, viennent d'être ordonnées, trois prêtres et trois diacres, dont deux transsexuels. Hé, hey, Charles Bronson, fais pas la tronche, quoi! Allez, t'as pas de raison de te déprimer! Arrête de m'appeler comme ça, papa, ça m'horripile. Hé, hey, Bronson, avec nous! Bronson, avec nous! Lors d'une parodie de cérémonie près du Vatican où se tient le synode, parmi elles, Loana Rocher, une Française de 68 ans, transsexuelle, qui avait été reçue à la nonciature en 2021. La cérémonie a été organisée en présence d'une cinquantaine de fidèles de plusieurs pays, avec Bridget Mary Meehan, évêque septuagénaire américaine de l'association organisant l'événement, qui revendique 270 ordinations de femmes dans 14 pays depuis sa création en 2002. Et qu'est-ce donc cette diablerie ? Ordination de femmes de trans par des trans, qu'est-ce que c'est que ce délire ? On en avait parlé dans Rémus. Il y a plusieurs mois. Bon, voilà. Les gens, ils avaient dit, oh, Rémus, c'est exagéré et tout. Voilà, c'est en face de vous maintenant. Bon, bah voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment touché le fond ou on a encore des doutes là-dessus maintenant. Le père Mathieu a déjà touché le fond, mais ça n'a aucun rapport. J'ai une question un peu bête, mais du coup, ces prêtresses trans, on dit monsieur l'abbé quand même ou madame la bête ? C'est comment on se présente quand on la croise, quoi. Ou le croise, ou elle croise. J'ai vu la photo de la transsexuelle. Je sais jamais si c'est des femmes à barbe ou si c'est des hommes à qui on a coupé le truc. En tout cas, c'est des monstres. Hein. C'est des monstres, et puis on leur met une petite, un petit truc blanc, et puis ouais, c'est bon, t'es prêtre maintenant, parce que ouf, j'ai décidé. La tête de l'emploi, ouais. Mais bon, c'est ça émane apparemment d'un groupement américain, Women's Ordination Worldwide. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de fantomas. Et donc là, ils ont débarqué à Rome, parce que voilà, il y a quand même le Vatican qui siège. Il faut savoir que Ratzinger Benoît XVI les a excommuniés en 2007, ou prétendu excommuniés, mais bon, voilà, c'est quand même un acte logique. Et là, en fait, il y a finalement, de la part de Rome, une acceptation implicite, quoi. Il n'y a pas eu de rejet, bien que ça se passe. Mieux que ça, il y a le site Vatican News qui nous dit en substance que le Vatican prévoit un document sur les femmes dans l'Église. Alors à chaque fois, c'est toujours, toujours confus, les monistes. Non, elles ne seront pas vraiment ordonnées, peut-être qu'elles pourront juste être diacres, ou alors entre diacres et puis vraiment prêtres, ou entre les deux, oui, non, peut-être, pourquoi, machin, poète. Ça, c'est confus, parce qu'on s'est fait pour être confus. Parce qu'en fait, s'ils avancent tous leurs pions d'un coup, les gens vont dire « Ah non !» Donc ça avance les pions petit à petit. Les gens, ils finissent par accepter par petite dose. Et donc, on leur donne des ordres mineurs, comme ça, avec plus de responsabilité. Et puis, c'est en train de tomber. Et ils ont dit très clairement qu'ils allaient faire avancer les femmes avec encore plus de responsabilité et des responsabilités qui étaient auparavant celles du prêtre, tout simplement. Voilà. Et donc, à la fin, ils vont le faire, hein, femme prêtre. Plus personne ne saura la différence. Voilà, ils vont le faire. Évidemment qu'ils vont le faire. Il y a eu des discussions là-dessus, là, récemment, par le cardinal Rodriguez. Là. Il y a eu des discussions sur ce sujet. Avant qu'ils sortent le document, ils ont fait une sorte de synode ou je ne sais pas quoi, là, au Vatican, sur la pseudo-ordination des femmes. Alors, je crois que tu fais référence à un article du Figaro que j'avais sous la main aussi, dont le titre est « L'Église catholique laisse ouverte la question de l'ordination diaconale des femmes au sommet d'un terme mondial ». Donc pareil, je mettrai les liens à chaque fois. Vous savez, il n'y a pas de complotisme chez nous. Hein. On met les liens, les citations. Si vous voulez, nos ennemis, ils avancent leur pion aussi. Ils disent « Voilà, on va faire ça. On est en train de faire ça. On vous dit qu'on va faire ça. Et on est en train de faire ça en même temps, on vous le prouve. Pourquoi est-ce que ça serait du mensonge ?» Ils vous le disent. Ils vous le disent et ils le font. Voilà. Et donc, donc après, il y a tout un blabla pour dire « Ouais, mais en fait, elles ne sont pas vraiment... » Et puis, en fait, plus vous lisez d'articles, vous vous rendez compte qu'à la fin, il n'y a pas de titre officiel, mais dans les faits, c'est tout comme. C'est tout comme. Elles ont toutes les responsabilités. Et demain, elles vont servir la messe. Voilà, elles vont servir la messe. Il faut accepter ça. Donc, la petite musique rigolote de pause était très rigolote. Mais il y a un fond de vérité. Attention. Déjà, on voit, chez les modernos, on voit pas mal de femmes qui traînent dans le cœur, déjà. Déjà, il n'y a quasiment plus de cœur déjà chez les modernos. Donc. Elles lisent les textes, les épîtres, elles lisent pas encore le sermon. Oh, et encore. Ouais, vous savez, les modernistes, je m'en suis éloigné. Peut-être qu'il y a des paroisses où elles vont lire les sermons, je ne sais pas. Hein. Mais elles lisent les épîtres, hein, voilà, l'évangile, tout ce qu'on veut. Elles lisent. Je pense qu'il faudrait leur faire lire justement les citations de saint Paul. Sur les femmes, parce que ça serait très drôle, en fait. Ce serait presque... Elle se lève, elle va parler devant l'assemblée, et là, elle lit... surtout, en tant que femme, ne parlez pas dans l'assemblée. Ouais, ce serait pas mal. Ouais. Ce serait bien. Bon, je me rassois. Merci. Ouais, et puis là, aujourd'hui, c'est ça. Elle se lève, elle chante, enfin, vraiment dans le cœur, entre guillemets. Elle lise les épîtres en jean, machin, avec des grosses boumeuses. Enfin, bon, c'est... Il y a tout qui est moche, quoi. Il y a rien qui va. Ah ouais, c'est comme tu disais, Bobby, ben, c'est vraiment, il se cache même plus, quoi. C'est révélé la face du monde. Il y a pas de théorie du complot, quoi que ce soit. C'est sous vos yeux, tout le monde le voit. Donc voilà. Ils vous le disent. Et ils vous le disent eux-mêmes. C'est même bien, même pas de nous. C'est eux qui assument. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus? La presse tout à fait officielle. Vous avez vu, après, j'ai cité carrément le Figaro, le site du Vatican, etc. Enfin, c'est pas des trucs complot.fr, quoi. D'accord ? C'est la presse tout à fait officielle. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Il y avait, je me souviens que c'est Paul VI qui a décrété qu'il y avait des femmes docteurs de l'Église. C'était dans les années 70 qu'il a fait beaucoup ça. Il a déclaré plusieurs saintes, des saintes éminentes, comme Sainte Thérèse d'Avila, comme des saints, des docteurs de l'Église. Mais docteur, en docere en latin, c'est enseigner. Sauf que les femmes, selon notre cher Saint Paul, ne peuvent pas enseigner. Elles n'ont pas le droit de le faire. Donc, cuisine. C'était déjà une petite pichenette de Paul VI à l'époque. Voilà. Le féminisme ambiant aussi aidant. Ouais, c'est comme les titres de martyrs pour des personnes qui meurent, effectivement, mais pas pour la foi. Alors là, c'est problématique. Hein. Voilà. Comme le, voilà, comme chaque fois qu'on, ouais, mais attendez, les nazis, ils ont tué un prêtre, machin. Alors, le mec meurt. D'accord, il meurt. Il meurt pas pour la foi. Il meurt pour sauver une autre vie. C'est pas pour la foi. C'est donc c'est pas un martyr, d'accord. C'est, mais les gens, ils aiment bien mélanger. Ça les arrange. Oui, mais là, si on dit que c'est un martyr, quelque part, ça atténue le nazisme, ça enfonce encore plus le nazisme. Ouais, donc en fait, les gens, ils mélangent. Donc, pareil pour les titres de docteur. Voilà. Donc, on prend des personnes qui ont fait des bonnes actions dans leur vie, qui sont toujours bien comportées, etc. On leur donne un titre de docteur sans enseigner. Vous savez, il y a pas la corrélation entre les deux. Donc. Ouais, c'est le propre du diable de créer la confusion, de justement. C'est quand le mal il est moins visible et plus mélangé au bien qu'il est plus dangereux, en fait. Exactement. En injectant du venin par petites potions. Puis c'est un peu, en fait, vous savez, vous connaissez cette image de la grenouille qui est en train de se faire ébouillanter, mais à une très petite, un rythme très, très lent. C'est vraiment ça, on va petit à petit, vraiment étape par étape, le temps fait son œuvre, mais au bout du compte, on va jusqu'au bout de sa logique, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est comme avec Montigny-Paul VI qui ouvre la brèche, comme dit Belloc, avec, on donne un statut à des saintes qui sont un peu dans le rôle enseignant, alors que ça n'est pas possible. Et même là, cet événement à Rome, finalement, Bergoglio le provoque. Elles ne sont pas si avant-gardistes que ça, ces gonzesses et ces trans, un peu comme le père Mathieu, finalement, ils sont complètement dans cette dynamique, dans cette lignée, puisque on avait parlé à Oremus, hein, ça remonte à peut-être 2, 3, 4 mois, je ne sais plus, mais il avait exprimé un mécontentement, Bergoglio, vous savez, devant une espèce de commission théologique internationale. À quoi que c'était novembre 2023, je crois, donc ça remonte un peu plus. Et vous savez, l'assistance, il n'y avait, entre guillemets, que 4-5 femmes théologiennes, et lui, il s'en plaignait, regardez, il faut démasculiniser l'Église, etc. Donc, je veux dire, on y va carrément. Moi, ils tâchent le terrain, mais on se demande pourquoi ils vont aussi lentement quand, par ailleurs, il y a des tanks d'accélération de ce genre, de ce type, quoi. Finalement, la brèche est archi ouverte, quoi. C'est validé par Rome, finalement. Alors que même Ratzinger Benoît XVI, comme je disais, avait condamné ce groupe-là en particulier. Démasculiniser une institution, ça veut forcément dire la déprécier. Pourquoi vouloir absolument plus de femmes dans une institution ? Quelle est la plus-value ? Non seulement il n'y a pas de plus-value, mais en plus vous perdez de la valeur, forcément. Vous prenez un groupe d'hommes théologiens, prenez un groupe de femmes, entre guillemets, théologiens, la qualité ne sera pas au rendez-vous, c'est tout simplement. Donc, si on voulait détruire l'Église, on ne s'y prendrait pas autrement. Le meilleur moyen de l'achever, ouais, c'est de la féminiser, c'est sûr. Après, ces femmes, en devenant en quelque sorte femmes alpha, parce qu'elles dirigent, elles auront un semblant de phallus. Donc, c'est un peu comme chez les Noirs, avec le matriarcat, les femmes noires ont plus de testostérone, quoi, presque. Donc, il y aura un vide qui sera à moitié comblé par des faux phallus, quoi. Mais c'est sûr que le mieux pour détruire une société et une institution, c'est de féminiser à mort. Il n'y a plus d'unité et de bien commun véritablement possible, quoi. C'est l'amitié entre deux femmes, c'est un peu deux épiciers qui ouvrent face à face et qui s'épient toute la journée, quoi. J'ai roulé un peu ma bosse dans les milieux politiques, hein. À chaque fois qu'on a mis des femmes dans des groupes, c'est là qu'ont commencé les problèmes. Alors moi, je suis toujours opposé à ce processus-là. Malheureusement, j'avais pas toujours un pouvoir de décision, donc j'ai dû subir parfois des... Bon, j'ai mon frein, et finalement, ce qui est arrivé est arrivé. Et même des fois, c'était même pas forcément tout le temps la faute des femmes, hein. Faut être honnête, hein. C'est juste les mecs, ils se comportent différemment quand il y a une femme dans le groupe. Ils veulent faire les coqs, et ça crée des problèmes. Et puis aussi, les femmes entre elles, pareil, comme tu l'as évoqué, Rex, ça crée des problèmes. Non, vraiment, la politique, c'est une affaire d'hommes. La religion, c'est une affaire d'hommes. Et voilà, le reste de l'humanité, ce sont des fidèles, voilà. Ce sont des il y a les militants et puis il y a les citoyens, voilà. L'Église, c'est pareil. Il y a le corps, d'accord. Et puis le reste, il y a les fidèles. Et on ne peut pas mettre des femmes dans le corps, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, parce que les militantes, après, elles se sacrifient. Ouais. Comme Alain Soral a une version très très personnelle du sacrifice. Je ne sais pas si vous avez la ref, mais ça c'est libertin, hein, c'est assez chaud. Ouais. Non, mais écoutez, c'est pas de ma faute, faut pas nous en vouloir à nous. On dit ça sans méchanceté, mais à un moment donné, Jésus, il a fait son choix. Il a choisi des apôtres, et il a choisi que des apôtres hommes. Alors, ça peut pas être un hasard. C'est surtout pas un hasard. Jésus ne fait pas les choses par hasard. Il s'est tenu, quand même, de respecter les hiérarchies qu'il avait lui-même mis en place. Il y a une hiérarchie d'autorité naturelle des hommes sur les femmes, d'accord? Personne va nier ça, j'espère. À part, bien sûr, si vous êtes une féministe, pas possible, vous niez cette vérité. Et Jésus s'est appuyé sur cette qualité naturelle pour bâtir son église. Et il a pris soin de pas y mettre un désordre. Et si vous voulez maintenant mettre des femmes dans le corps qui enseignent dans l'église, vous instituez un désordre. Le fait de faire ça sciemment, c'est pour moi une façon de vouloir détruire l'église, bien sûr. Donc c'est très très inquiétant, ces choses-là. Et soit Rome n'a pas décidé, on va dire, soit Rome, on va dire, ils ont décidé de faire ça, mais ils le font en cachette, bon voilà, c'est quelque part un sabotage. Soit alors, ils n'ont pas décidé et ça leur tombe dessus et ils sont un peu comme nous, un peu au pied du mur. Mais dans ce cas-là, faut réagir. Dans ce cas-là, faut réagir. Qui ne dit mot consent. Donc maintenant, ils n'ont fait aucun article, aucun machin pour dire ah, attendez, ça va trop loin, etc. Pas du tout. Non seulement ils n'ont rien dit, mais les seuls mots qui ont transpiré, c'est pour dire oh, vous savez, faut évoluer, plus de femmes, pourquoi pas. C'est bon, c'est réglé, fin de l'histoire. Alors après, on peut dire aussi. Comment étions arrivés là, comment nous sommes arrivés là. Et je pense qu'on pourrait remonter un petit peu comme on remonte à 1789, la contre-révolution catholique, elle remonte même à la réforme protestante et tout ça. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur Tonton, donc je remets un petit peu d'Adolf Hitler. Et qui sont les seuls responsables de la décadence morale qui règne actuellement dans notre société? Les Juifs! Les Juifs! Dans le sens où je pense Vatican II n'aurait jamais pu avoir lieu sans la mort des régimes nationalistes et fascistes de la première moitié du XXe siècle, puisque la dynamique serait nationaliste et que les évêques d'alors défendaient tout, y compris l'ordre naturel d'un point de vue catholique. Et je pense en fait ce qui s'est passé après la guerre, c'est que les clercs eux-mêmes ont voulu s'excuser un petit peu de certaines accointances qu'ils ont eues avec ces divers régimes-là. Quand il y a l'Autriche-Hongrie, l'Église, par prudence, soutient cet empire. Donc les nationalismes européens naissants, notamment l'Italie, etc., sont un petit peu délaissés. On se dit à ce moment-là, tiens, est-ce que c'est vraiment compatible avec l'Église catholique qui est du nationalisme? Oui, toujours dans une certaine mesure, dans un cadre universel, etc., mais... on voit que ça a été compatible et finalement, je pense qu'il y a une lourde raison psychologique là-dessus. On voit que les abbés très droitards, comme l'abbé Georges de Nantes ou Monseigneur Lefebvre, étaient une infime minorité, même dans les groupes entre modernistes et plus traditionnels. C'est, en plein Vatican II, ça n'avait rien à voir. Donc je pense qu'on pourrait remonter un peu... Dans ces événements-là, où pour s'excuser, en fait, ces clercs sont carrément devenus gauchistes, ils n'ont plus osé affirmer la foi. Et en fait, on en est là où on en est. Et finalement, comme on l'a vu avec ces gonzesses qui ordonnent, qui font n'importe quoi, les germes étaient déjà là avec Jean XXIII ou au moins Paul VI. Et finalement, on ne fait qu'en subir les conséquences par cette structure qui est de plus en plus... moderniste et ennemi de la foi, assassine vis-à-vis de la foi catholique, et dont il faut se prémunir et se défendre, quoi, ne serait-ce qu'en ayant une certaine autonomie avec les évêques pour faire un peu l'éloge de retomber sur le premier sujet, on va dire, sur Mgr Tissier de Malaret et son trépas. Donc voilà, je dresse un très court tableau, mais Je pense que c'est important de remonter petit à petit à ça. Alors, il n'y a plus de gouvernements qui font des digues et ensuite le consumérisme américain, tout ça, c'est bien marié avec le reste et les modernistes ont pris le pas et voilà, donc on passe à autre chose et on ne fait que subir les conséquences, quoi. Alors heureusement que la force de la tradition, c'est des jeunes qui n'ont pas connu des choses... veulent la redécouvrir, alors on fait le chemin inverse, quoi. Mais aujourd'hui, quand on veut être radical, il faut forcément être, je sais pas moi, tonton holâtre et se convertir à la foi catholique, quoi. Si le bon camp avait gagné la guerre, ben forcément, ben le courant qui visait véritablement à rétablir le catholicisme et à reconvertir toutes les âmes qui ont apostasié pendant des générations, ça aurait été possible si le bon camp avait gagné la guerre. Mais c'est comme tu disais, ouais, c'est avec la défaite, tous ces clercs ont voulu s'excuser et l'Église a quand même voulu enterrer des cas qui ont eu des incohérences avec le régime. Donc, nous allons quand même citer par exemple le cas de Monseigneur Rudal. Qui a participé à l'exfiltration de hauts dignitaires nationaux-socialistes, notamment Otto von Wächter, le Sturmführer SS ou Adolf Eichmann, par exemple. Et donc c'est un peu cela, dans l'ensemble d'une logique de se dédouaner, de vouloir enterrer ce passé un peu gênant, on va dire. Alors pour faire comme Rex et Ludwig l'ont fait, on remet Tonton à la chancellerie. Il s'est exprimé parfois sur les femmes et il a eu très beaux mots dessus. C'est que la femme crée le petit monde du foyer dans lequel l'homme doit être bien et que c'est son monde et que finalement c'est là où elle est le plus heureuse. Et donc finalement, pour faire le parallèle avec le sujet, c'est pas du tout leur rôle d'aller jouer aux prêtres. C'est une volonté de contrôle aussi, et c'est un peu le péché de vouloir toujours contrôler ce que fait l'homme, et qui vient d'Ève. Les choses ne sont pas à leur place, et dans Vatican II, bah, plus personne n'est à sa place, et tout est confus. Donc il faut que les femmes restent à leur place. Cuisine. Que les hommes restent à leur place, que ce soit dans l'église ou partout. Donc sus au diaconas, et pour répondre à Bobby, finalement, tant mieux, les modernistes s'autodétruisent par la féminisation. Ouais, ouais. C'est la révolution qui mange ses enfants. T'as eu raison de souligner un point, c'est vrai que avec une victoire, par exemple, des nationaux-socialistes en 40, avec une Europe, on va dire, fasciste, ils n'auraient pas osé nous pondre un Vatican II. Ils n'auraient pas osé. Peut-être qu'ils l'auraient fait plus tard, tu vois, avec la chute d'un régime, par exemple. Mais en tout cas, sous une Europe fasciste, non, non. Ils n'auraient pas avancé leur pion comme ça, c'est pas possible. Ils auraient senti une résistance. Puisque la loi naturelle était remise à l'endroit par ces régimes, donc il n'y aurait pas pu y avoir une révolution spirituelle comme il y a eu à Vatican II. Et comme dit Mgr Tizot, dans l'ordre politico-social, les régimes fascistes, dont le Troisième Reich, ont appliqué finalement ce que la doctrine sociale de l'Église enseigne. Merveilleux, ça, oui. Ou alors, il n'y a personne pour le relever. Ou alors il y aurait eu un Vatican II, mais pas dans le sens contraire. C'est-à-dire peut-être il y aurait eu un Vatican II pour véritablement poser les bases pour justement... véritablement réconcilier et graver sur le marbre justement cette synthèse entre le catholicisme et tous ces concepts fascistes / national-socialistes. Bah, en fait, l'Église aurait dû peut-être le faire dans le sens où Vatican I a été, le concile du Vatican en fait, a été interrompu à cause de la guerre franco-prussienne. Donc, il y aurait besoin de faire un concile complet, probablement. Tu demandes à Mathieu Lavagna, il te fera un petit concile vite fait, comme ça, entre potes. Tant qu'il cite pas le Talmud, c'est déjà ça. Vous savez, dans les chapelles tradies, et même chez les modernos, pareil, on a l'impression que le péché ne peut pas nous atteindre. On fréquente le monde, mais on se dit non, voilà, le péché, il est dans le monde, et il s'arrête comme ça, paf, aux portes des chapelles, ça rentre jamais chez nous, ce qui est une erreur, ça n'a aucun sens, puisque bah, voilà, nous sommes perfectibles, nous faisons des péchés comme n'importe qui. Voilà. Et donc le féminisme est partout dans le monde maintenant, en tout cas partout dans le monde occidental, et donc il n'y avait aucune raison qui aurait empêché le féminisme de ne pas atteindre aussi les chrétiens, donc bien sûr c'est un poison qui nous a atteints, et voilà, maintenant faut s'y mettre en avant, pareil, il y a les erreurs qui sont dans notre camp, et notamment, bah, tout simplement, j'en ai un exemple comme ça qui me vient en tête, on ne peut rien dire sur les femmes, on ne peut pas émettre de critiques sur les femmes. Même chez nous, chez les tradis. Non, les femmes sont forcément toutes des saintes. C'est la nouvelle Sainte Jeanne d'Arc. Ouais, elles sont toutes des Saintes Jeanne d'Arc. Dès que vous dites quelque chose, oui, mais attendez, il y a quand même eu Sainte Jeanne d'Arc, voilà. Ou alors, on va dire pour le monde moderne, c'est oui, mais il y a eu Marie Curie. Ah ouais, d'accord. En fait, ils en ont, vous savez, ils ont une liste comme ça, ils ont 4-5 noms, ils les ressortent comme ça du chapeau, toujours les mêmes noms. Et apparemment, ça devrait clore le débat, quoi. C'est fin de l'histoire. Écoutez, excusez-moi, mais les hommes, on peut dire des choses sur les hommes, on peut aussi dire des choses sur les femmes, personne n'est parfait, et le problème actuel, c'est que notre société moderne ne souffre pas d'un excès de patriarcat. Vous savez, nous, on fait beaucoup de fantaisie dans Rémus, et on fantasme comme ça, on fait quand même de l'humour, vous comprenez les décalages qu'on opère lorsqu'on parle de Boko Haram, d'ailleurs n'existe même plus, hein, c'est une organisation qui a été détruite, je crois, donc vous savez, c'est pour faire des petites blagounettes, on a quand même le droit de blaguer, excusez-nous. Mais voilà, le monde moderne, le monde occidental souffre d'un excès de féminisme. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Et même chez les chrétiens, tradis, il est impossible pour un chrétien tradit lambda de dire quelque chose sur les femmes en général sans se prendre des tomates sur le visage. Ça, c'est pas normal. Parce que les responsables, eh ben, je suis désolé, il y a beaucoup de femmes dans l'histoire. Voilà. C'est pas de mettre toutes les femmes dans le même panier, mais il faut quand même reconnaître les problèmes. Le fait de dire « Ah non, mais je suis une femme, j'ai raison, qu'est-ce que c'est ?» Bah, je vous cherchais. Bonjour. Ah, m'adresse pas la parole, hérétique, démon ! Tu sais, moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Mais attention, tu peux même pas dire du bien des femmes. Maintenant, selon les néo-féministes, tu peux même plus dire à une femme qu'elle est belle, parce que selon elle, ben, tu la résumes à son apparence physique, donc voilà. Heureusement, même personne ne dit des féministes qu'elles sont belles. Même les compliments, ça passe pas, quoi. Comme disait Karl Lagerfeld, je suis pas assez moche pour être féministe. Ouais, en parlant de sa mère. C'est en parlant de sa mère, je me souviens plus. Ouais. Ouais, il a dit. D'ailleurs, son père était un membre du parti, d'ailleurs. un bon homme. Il aimait l'ordre, Karl, malgré tous ses défauts. Il aimait l'ordre et la discipline. Et ça, il l'a appris aux jeunesses hitlériennes. Les mêmes défauts qu'Abel Bonnard, je crois. Mais plus fasciste dans l'esprit, dans l'ordre, dans la discipline et dans le travail surtout. Donc voilà, en tant que mâle alpha, ne vous interdisez aucun sujet, les femmes et les juifs aussi, puisque ce sont les deux sujets sur lesquels nous sommes contrôlés. Pour le coup, pas spécialement chez les tradis, mais dans la société civile. Eh ben, le problème, c'est que si tu vas entamer une discussion sous les juifs, tu vas avoir un problème avec les flics et la justice, mais par contre si tu entames une discussion sur les femmes, même dans le milieu cathotradi, tu vas avoir un problème avec les autres cathotradi qui de base vont te dire « Ah non, non, écoutez, on peut pas critiquer les femmes, on sait pas pourquoi, apparemment il y a le totem d'immunité, vous savez, de Koh-Lanta là qu'on pose, non, on ne touche pas, c'est la vache sacrée, on ne peut pas, on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas. » Il suffit qu'une femme dans la tradition ouvre un petit peu la bouche et dise « vous savez quand même, 2 et 2, ça fait 4. Et vous avez 50 bonhommes qui viennent direct s'agglutiner autour pour dire « Oh là, comme elle a bien parlé, oh, donnons-lui un micro, c'est bien, bravo !» Oui, il n'y a jamais de génie chez la femme. Quoi. C'est, elle peut produire un certain niveau d'intelligence et au final, le petit grain de folie qui fait vraiment le génie, voilà, même à Alain Soral, malgré tous ses défauts, ne peut pas exister version féminine. Quoi. C'est... Et oui, pour revenir justement au fait que à ce phénomène vraiment très intéressant quand c'est un homme qui tient tel discours, il ne reçoit pas autant d'écho, mais dès que c'est une femme, là tout de suite, tout le monde s'agenouille et tout le monde se prosterne devant cette femme en question. Bah, y a un cas assez particulier que vous avez sûrement entendu parler au sein de la mouvance, on va dire NS, le cas de l'Espagnole Isabel Peralta. qu'on fasse vraiment la doctrine national-socialiste de façon plutôt orthodoxe, on va dire. Que là, tout de suite, t'as tous les simps qui s'agenouillent devant elle et qui, voilà, toutes ces vidéos font plusieurs milliers de vues, tout ça. Et... alors que si c'était un de nous, on n'aurait pas plus de 50 vues, 100 vues, voilà, quoi. On n'aurait pas autant d'écho, quoi. Mais voilà, parce que justement, c'est pas son discours en tant que tel qui attire, c'est juste surtout son apparence, voilà, qui attire l'œil. Et c'est pas du tout le fond de ce qu'elle dit qui est vraiment pertinent. Parce qu'elle fait que reprendre et résumer en soi tout ce qui a été déjà dit par d'autres hommes qui ont véritablement étudié la question en profondeur. Et en moins bien, en plus, c'est, il n'est pas bon de devenir nazi par elle en devenant d'abord simple. Quoi. C'est mieux d'être directement véritable nazi. Quoi. Je me sens plus excité par Adolf Hitler. Est-ce que vous avez connu, vous savez que je suis très vieux, est-ce que vous avez connu Electre ? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce truc ? Oui. Si vous savez bien, c'est une nana qui a fait du porno. Non, je crois qu'elle a fait une scène porno. Enfin bref, c'est déjà une scène de trop, bien sûr, évidemment. Qui est devenue identitaire, on ne sait pas trop pourquoi. Je pense qu'elle a dû se faire un peu trop ploter par des Arabes et que cette fois, on ne l'avait pas payé pour. Donc elle était très, très remontée contre les Arabes. Et donc elle est devenue une égérie, comme ça, du jour au lendemain. Les gens, ah ouais, Electre, elle chauffait les mecs, pas possible, parce que, en plus, c'était vulgaire. Et les gens, ils aiment bien la vulgarité, hein, donc ça marche. Elle a complètement disparu des radars, on n'a plus entendu parler. Et la nouvelle Electre, maintenant, c'est Mila, en fait. Hein, c'est un peu la même chose. Hein, elle est devenue identitaire, pas parce que, la pureté de la race, tout ça, les Européens. Non. On devient identitaire maintenant parce que on veut sortir en boîte de nuit, mais sans trop d'Arabes. Voilà. Donc, c'est pas Charles Martel exactement. C'est pas du tout la même doctrine. C'est faux mai 68, mais avec des Blancs. D'ailleurs, tu parles d'Electre, Bobby, mais je crois même qu'elle jouait, elle-même sur l'image de Sainte-Jeanne d'Arc. C'était incroyable. Oui. Oh là là, oui. Ouais, c'était immonde, quoi. Enfin, elle jouait elle-même, avec sa coupe, là, tu sais, rasée sur les côtés, là. Ah. Et, un mec, hein. Bah, comme il a, c'est un mec. Non, mais c'était, complètement absurde, et puis t'as tous les gens qui l'adulaient, enfin bref, c'est... Marion Maréchal Le Pen, la nouvelle Jeanne d'Arc. Ne commence pas avec elle. Déjà, elle a une dissonance cognitive. D'un côté, elle dénonce le grand remplacement, de l'autre, elle soutient Israël et sa guerre d'agression si elle l'avait bien compris, les guerres d'agression, ça amène au grand remplacement justement et à la déportation des Palestiniens et des Arabes chez nous. Ils vont les déporter, les Palestiniens, mais ils vont les déporter en France. Je sais pas ce qu'elle va dire, Marion Maréchal, du coup. Mais voilà, dit son père, qu'aurait dit son père biologique. Qu'aurait dit son père biologique. Qui est un agent du Mossad. Ouais, Bobby, complotiste. Ouais. Bah, écoutez, comme dirait Pont. Allez vérifier qui est le père source biologique. Point. De Marion Maréchal. Comme dirait Plancard, Marion Hawk. Ah voilà, après avoir cité Glossy, il fallait bien. Mais je suis attristé que Boko Haram n'existe plus. Finalement, c'est un peu comme le Wakanda maintenant, quoi. C'est une terre légendaire. Je crois, hein, vous savez, je rêve pas de Boko Haram la nuit. Hein. Je crois que le groupe a été détruit militairement. Je crois que c'est passé comme ça à la fin. Je sais plus. On s'en fout, vous savez, on a pris Boko Haram comme exemple dans nos blagues, parce que c'est très, très rigolo, quoi. Hein, on n'a pas de sympathie particulière envers l'islam, hein, ni envers l'africanité. Hein, ça ne passionne pas des masses. Hein. Bon, sinon, il y a les talibans, si ça vous plaît aussi. Ah, les talibans, ouais, c'est bien ça. Talibans, ouais. C'est un peu plus arien déjà, les talibans. Hein. Ethniquement, c'est plutôt arien, c'est pas mal. Ouais. Ah, c'est plutôt arien, ouais. C'est quand même pas... Hein. Non, relativement, c'est pas non plus la Suède. Hein. C'est pas la Suède, mais... Norvège. Très bien, messieurs, je vous remercie de m'avoir accompagné pour ces sujets rigolos pour certains, et puis très sérieux pour d'autres, ou un mélange des deux pour la plupart. Ça m'a fait super plaisir d'accueillir notre nouveau chroniqueur Ludwig. Ludwig, donc, le test était très concluant. Tu es libre de revenir avec nous quand tu le souhaites. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous, hein. C'est un plaisir pour moi. On a quand même ramené beaucoup Adolf Hitler et ça. Il faut ramener l'église au milieu du village et Adolf Hitler au centre de Berlin. Je vous remercie beaucoup, messieurs, encore une fois, pour cette émission. Je remercie les gens qui vont partager à fond l'émission en bas droite à gauche. Et ce que je devais dire en intro, bah, je l'ai zappé, donc je vais le dire maintenant. Je profite pour dire qu'on a eu la chance immense d'avoir un entretien réalisé avec Joseph Merel. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que Joseph Merel s'exprime très très très rarement à l'oral. Je crois que la dernière fois que ça s'est passé, c'était il y a 20 ou 30 ans avec sur Radio Courtoisie. Donc il s'exprime bien sûr à l'écrit, hein, c'est son métier. El Zinco, que l'on salue, excusez ce soir, a eu un entretien avec lui pour la deuxième fois, un entretien que vous pouvez retrouver sous notre chaîne, cliquez, qui a duré plus de 2 heures. On a déjà eu un entretien avec lui qui avait duré 1 heure, vous en retrouvez en tout 3 heures de Joseph Merel. Vous savez, Internet, c'est très très méchant, une émission comme ça de troll avec des punks comme nous, ça va ramener peut-être 3 fois, 4 fois plus de vues que ces entretiens très sérieux avec Joseph Merel qui méritent 1000 fois plus. Donc moi, je vous invite à changer la tendance. D'ailleurs, n'écoutez plus Oremus et écoutez les entretiens avec Joseph Merel. Non, écoutez les deux, c'est bien aussi. Non, merci beaucoup El Zinco d'avoir fait cet effort monstrueux et a fait le montage. Et je vais terminer quand même l'émission par faire une petite demande, comme d'habitude. Si vous voulez partager les émissions de Joseph Merel, faites-les, s'il vous plaît, sur YouTube. Il le faut absolument. Vous enlevez les images un petit peu osées avec les croix gammées parce que YouTube n'aime pas trop. Peut-être que vous mettez des petits bips de temps en temps, qu'il y a un petit mot un petit peu indélicat sur les personnes africaines, voilà, des trucs comme ça. Mais je pense que ça ne se fait pas censurer. Vous partagez ça, vous mettez les liens Ferroremus, vous les repartagez un peu à droite à gauche. On va compter sur vous énormément pour faire ça. Encore une fois, je précise, c'est un événement exceptionnel. Donc il faut faire buzzer. Et puis c'est un remerciement aussi envers Joseph Merel, bien sûr, et El Zinco qui a fait le boulot. Et sur ce, je vous dis au mois prochain, messieurs. Au mois prochain. À bientôt. À la prochaine. Vive le Sacré-Cœur de Jésus, le vrai, et au mois prochain. À Kaboul, on chuchote ou on ne jacte pas. Plus de réunions d'hystériques, plus d'éclats de voix. Les commères au placard, y'a que du calme par là-bas. Oula. Un blanc catholique. Avec mes potes, ses bras tendus direct et directement. Mais mes dédirects, bouge tes fesses de là. T'es autant suspecte qu'infecte et on te rejette. Sale suffragette, grosse tasse pédouette. En bref, mes potes, ses bras tendus direct et directement. On te met des directs, bouge tes fesses de là. T'es autant suspecte qu'infecte et on te rejette. Sale suffragette, grosse tasse pédouette. On va te mettre la hagla, tu vas te faire hagal, cherche pas. Toujours dans la se plaint pour le tradistan, c'est nous les talibans. Toujours dans la se plaint pour le tradistan, c'est nous les talibans. On va te mettre la hagla, tu vas te faire hagal, cherche pas.